vous êtes assis. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. On mangera quelque chose qui, j'espère, ne sera pas détrempé dans une grosse pointe d'endresse. Et Tania se lèchera le doigt pour mieux trouver son sujet du jour dans Tania is gonna entertain ya. Assemblage Rocky commence tout de suite. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. Bienvenue à Assemblage Rocky, on est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières en ce jeudi 25 février 2016, 61 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Et c'est sur la chanson thème de Vanessa Pariétaire, remaniée par Roland Fac, qu'on débute aujourd'hui. Quelle journée! Hey, je sais! Ça commence comme une slush. C'est pas tant glissant, pas il faut si se le dire. C'est pas si pire pour ça, mais les accumulations d'eau partout dans la ville. C'est dur de marcher. Assez incroyable, merci. Ouais. Même en voiture, tu fais comme de l'aquaplanage, là. C'est vraiment pas plaisant. C'est plat. À l'UQTR, tellement, on sait déjà, on a déjà établi le fait qu'ils ne mettent pas de sel ou de sable nulle part. Bon, c'est glissant, on le sait. Puis qu'il y a tout le temps des cours. Exactement. Mais c'est que là, l'entrée principale, là où il y a les cubes, à la place d'avoir enlevé la slush et l'eau, OK, ils ont mis des barrières de métal pour pas qu'on passe par là. Ah. Faut qu'on rentre par le petit poste des gardiens de sécurité. Oh. Tu sais, c'est l'entrée principale de l'UQTR. Ouais, c'est ça. Bravo. Ça va être plaisant tout à l'heure. Génial. J'espère que ça ne durera pas toute la journée. On verra bien. Donc, sur cette journée très, très trempe, on va se mouiller un peu dans le sens qu'on va s'exciter dans le milieu du... Quoi? Hein? Donc, on a un bon plan aujourd'hui. On a notre chronique traditionnelle du jeudi, une grosse pointe en dresse. On va goûter un produit du tiroir, que ce soit acheté en magasin ou en épicerie, quelque chose de malbouffe. Ça se passe à 8h30, comme toujours. On a ta chronique à toi, Tania is gonna entertain ya. Qu'est-ce qui s'en vient? Je vais vous parler d'un événement qui s'en vient cette fin de semaine et aussi un événement auquel je suis allée hier. Oh! Ouais. T'es une fille qui sort. Ben, je suis pas sortie beaucoup parce qu'en fait, l'événement se passait chez ma voisine, mais vous allez voir. Bon, OK. C'est pas une soirée Tupperware, toujours. Vous allez voir. OK. On va commencer en s'achetant des gadgets dans quelques instants. Ça existe, mais ça ne devrait pas être là. Mais avant ça, en musique, j'ai choisi de commencer avec une pièce de Reversing Falls, étant donné l'eau aujourd'hui. Ben oui. Les chutes. This is why. C'est pour ça qu'on commence avec ça. L'assemblage requis. Bonne musique. This is why par Reversing Falls à Assemblage Requis. Maintenant, c'est comme si l'argent tombait du ciel, tombait d'une chute. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. Là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la collée des choses qu'on achète sur Internet et qu'on regrette instantanément. Je sais pas où je m'en vais avec ça. Bref. Je suis vraiment content de voir que les GIFs animés sont de retour à la mode après les années 90. Tu sais, les GIFs animés, c'était la mode des années 90. C'est les vrai. Les petits crayons qui écrivaient une lettre pour envoyer un courriel sur les sites de GeoCities. Mm-hmm. Et ça fait que les pages sont moins lourdes à charger de nos jours. Parce qu'on ne met plus des vidéos, des articles, on met des GIFs animés. Uh-huh. Et c'est justement ce qu'on retrouve sur la page du premier gadget de notre chronique aujourd'hui. C'est des bagages escamotables qui se mettent en dessous du lit. Ah. C'est simple, donc c'est une valise pour mettre ses vêtements et, ou peu importe. Et ensuite, tu peux la replier sur elle-même, cette valise-là. Et ça se met super facilement en dessous du lit, en plastique. C'est le premier bagage dur, intelligent et escamotable du monde. C'est cool. Oui, par la compagnie Neat, N-E-A-U-I-T. Lorsqu'ouvert, c'est de la grandeur d'un sac normal, avec un paquet de choses de haute technologie qu'on voudrait dans un sac, comme le tracking GPS, des zips à l'épreuve de l'eau. Aujourd'hui, ce serait parfait. Ça, ouais, c'est ça aujourd'hui. Et quand tu l'escamotes, ça devient 30% environ de sa grandeur d'origine. Ça prend à peu près 10 secondes à passer d'un mode à un autre. Malgré son mécanisme de transformation et sa structure en aluminium, c'est assez solide pour passer dans le cargo d'un avion. Empiler sur d'autres choses ou en dessous d'autres choses sans se défaire en morceaux. Et la poignée va même vous permettre de le traîner facilement. Et puis ça prend pas trop de place, 3 pouces de large lorsque c'est escamoté. Et pour l'instant, ça coûte environ 217$ américains sur leur projet qui est sur Kickstarter. Donc Neat Revolutionary Smart Collapsible Hard Case Luggage. Quand tu compares à une valise qu'on peut retrouver de cette grosseur-là dans un magasin, c'est pas si cher que ça. Ça coûte combien les valises? J'ai jamais acheté c'est ça. C'est sensiblement dans ces prix-là, je vais t'avouer. OK. Ouais. Cool, ben c'est vraiment bien. Et en plus, t'as le style le mousqueton. Mm-hmm. Tu sais, les mousquetons pour attacher à tes clés, des trucs comme ça. Donc, la poignée est aussi un mousqueton. Donc, tu peux, dans le garde-robe de ton hôtel, venir ouvrir la poignée et l'insérer sur le truc pour pendre les vêtements à ta penderie. C'est vraiment bien fait. Parfait. Sur Kickstarter. Ensuite, tu connais le Hot Potato? Le Hot Potato? Le Hot Potato, c'est le jouet que tu passes et puis... C'est chaud? Non. J'imagine? Absolument pas. C'est quand la musique arrête? C'est comme une chaise musicale, mais avec un objet. Ah, d'accord. Non, j'ai jamais joué à la Hot Potato. Bref, une version électrique maintenant. Une nouvelle twist sur le jeu de classique du Hot Potato. C'est la Hot Potato Shock Ball. Donc, la balle a un enveloppage... protecteur, ça émet un petit choc électrique à des intervalles au hasard entre 10 et 30 secondes. Donc, tu passes la balle de personne en personne et la personne sur qui le choc tombe, ben, perd. C'est ça le jeu. Tu te poses pas de questions, rien. C'est juste de se passer la balle. Simple de même. Ah, OK. Pour 16,49 $ sur Amazon. Pourquoi pas. Ensuite, c'est un chargeur inspiré par la nature. C'est le Solar Sun Tree. Évidemment, pour faire recharger ses gadgets par la puissance du soleil. Hein? Mm-hmm. Ça vient de XD Design. C'est 9 petites feuilles solaires qu'on peut attacher à votre téléphone cellulaire ou votre lecteur MP3. L'arbre vient aussi avec une sortie USB et un USB d'entrée. Donc, j'imagine pour... Pourquoi l'entrée? Je sais pas. C'est une bonne question. Bref, c'est fait de bambou. Donc, ça ressemble à un petit arbre de bois sur une base de plastique. Et sur chacune des branches, t'as un petit panneau solaire. Mm-hmm. Quand tu... c'est fait en bambou. Les panneaux de chargement jouent le rôle des feuilles. Et quand tu le places à côté de ton cactus ou de ton bonsaï, ça va l'air complètement normal. Et ça va recharger tes gadgets à côté de la fenêtre, évidemment, pour que le soleil fasse ce qu'il a à faire avec tes panneaux solaires. Bonne idée. Vraiment. Bonne idée. Ensuite, ça, je trouve ça cool pour la cuisine un peu. C'est des seillères poivrières qui ont l'air d'être enfoncées dans la table. Tout ce que plus simple. Donc, les Sunkin Salt and Pepper Shakers... qui va faire que les gens vont être surpris en regardant, en voyant vos seillères poivrières. Chacune est faite à la main de vitre soufflée à la bouche. Hein? À la bouche. Avec des bouchons, des capuchons en acier inoxydable. Et c'est fait donc à angle pour créer l'illusion qu'ils sont en train de s'enfoncer dans la table. Pas grand chose de plus à dire que ça. J'aurais préféré s'ils l'avaient fait. Parce que là, dans le fond, c'est coupé en dessous. Mm-hmm. Okay? Sauf qu'ils ont l'air d'être penchés, les seillères poivrières. À la place, j'aurais aimé s'il y avait eu l'air comme... Moi, je sais pas, il aurait juste eu l'air petite, hein, probablement. S'ils avaient probablement, ouais. Moi, c'est ça, je comprends pourquoi ils ont fait ça, finalement. Je comprends, je comprends. Ensuite, transportez votre animal de compagnie sur votre vélo avec Pet on Wheels. Pet on Wheels, P-O-W, c'est un étui à animaux fait particulièrement pour transporter vos animaux de compagnie légalement sur votre motocyclette, votre scooter ou votre vélo. C'est fait de plastique moulé. Ça peut faire entrer les animaux de compagnie jusqu'à 10 kg ou 22 livres. Il y a deux trous de ventilation, un petit coussin à l'intérieur pour votre presque membre de la famille. On peut l'installer pour qu'il fasse face vers l'avant ou vers l'arrière. Et il y a un crochet qui vous permet d'attacher une laisse pour empêcher votre ami de sortir ou de sauter et de s'en aller. C'est sur Kickstarter pour environ 110$ américains. Ça va être livré au mois d'avril. Donc, scooter, vélo, motocyclette, voiture, transport à la main. C'est orange, un genre d'orange presque fluo, mm-hmm. avec une poignée verte. Très, très, je pense que c'est quand même tendance comme couleur. Ouais, ça, ben, tendance, c'est encore drôle. Ouais, c'est ça, c'est encore drôle. Il y a aussi un modèle blanc et vert. On dirait plus un bac de recyclage, parce que on dirait que l'icône sur le côté... C'est vrai, on dirait le logo de recyclage, je suis d'accord avec toi. C'est une patte de chien, je trouve ça bizarre. J'aurais l'impression que tu transporterais peut-être des canettes ou quelque chose comme ça sur ton vélo. On dirait un nouveau gadget pour les mendiants, plus qu'il faut transporter une machine, tu sais, dans les épiceries, les machines oui, à canettes. Pour gober vos canettes. Ensuite, le chaise... Ah, tu sais, des fois, Tania, je sais que... Tu sais, quand t'éternues, Tania? Oui, moi, oui, tu, personnellement. T'éternues à des kilomètres à la ronde. C'est vrai. Tellement que tu passes proche de foncer dans le mur. Et là, après ça, il faut que tu ramènes ta chaise à ton bureau. Oui, oui, oui. C'est difficile. Il faut une chaise qui se stationne elle-même. Ah! Nissan a développé des chaises qui retournent à leur endroit prescrit. Donc, tu claques des doigts ou des mains. Et toutes les chaises autour de la table de conférence vont revenir en alignement parfait, prêt pour la prochaine réunion. Donc, dans un bureau ouvert, par exemple, tu aurais une réunion qui vient de se passer, tu fais... Et toutes les chaises reviennent à la place. C'est très drôle. Les chaises ont des piles, moteurs et des récepteurs Wi-Fi. Les pièces ont des caméras pour déterminer la localisation de chaque chaise et des instructions qui vont être diffusées par le Wi-Fi. Nissan dit qu'il prévoit pas amener ça sur le marché, mais il utilise ça pour illustrer la technologie de voiture qui se stationne elle-même. Donc, c'est un peu pour faire un parallèle entre la voiture et la chaise, mais je trouvais l'idée vraiment drôle. Ça sauve vraiment du temps, pour vrai, une salle de conférence avec une trentaine c'est de clair. Chaises. C'est clair, ça, c'est sûr. Ça, c'est... Mais tu penses pas que s'il y a une trentaine de chaises, justement, ils peuvent se foncer dedans, l'une dans l'autre? Bonne question. Mais en même temps, si Nissan est assez sophistiqué... Ouais, peut-être qu'ils sont assez intelligents pour y penser. Je pense que oui. Hey, ça, là, je sais pas pour toi, je sais que Facebook utilise tes passions de la vie pour te conseiller des produits à aller acheter. Oui. T'sais, moi, il n'arrête pas de me parler de cette litière-là. Donc, j'ai mis l'article dans la chronique. C'est la meilleure litière jamais fabriquée, apparemment. Pour seulement 36$ sur Kickstarter, c'est la Loop, L-U-U-P, Litter Box. Donc, selon eux, la meilleure litière pour chat, la litière de chat réinventée. Donc, on va écouter un petit peu le processus. Je ne sais pas si toi, tu as la vidéo de ton côté. Donc évidemment on parle d'appareils qui font la litière habituellement, appareils électriques branchés dans le mur, mais il y a une meilleure façon. Voici la Loop Litter Box. Voici comment ça fonctionne. Pour nettoyer la litière, vous n'avez qu'à lever le dessus, dans le fond c'est en deux parties, et le dessous est séparé du dessus avec deux couverts. Et ce que tu as à faire, c'est ensuite transverser. Ok, oui, j'ai réussi à faire fonctionner le vidéo. Puis c'est comme un trois bacs en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Puis c'est pas la première fois que je vois ce concept-là. Ah, est-ce que c'était peut-être même celui-là? Peut-être. Ils sont rendus à 578 000$ sur 50 000$. Il reste encore 18 jours. C'est un des projets. En tout cas, moi, j'ai vu qu'il a fait de l'argent le plus rapidement possible. Wow. Une façon ingénieuse de nettoyer votre litière. Et vous allez juste rajouter de la litière une fois de temps en temps. Là, raconte son histoire de pourquoi elle a créé ça. Ben oui, hein. Évidemment. Mais non, super bonne idée. J'adore ça. Loop, L-U-U-P. Il y a trois U. Voilà. Ouais, ça parle beaucoup, la madame. Hein? Oui, elle vraiment. Très volubile, la madame. Ouais. Loop Litter Box, allez voir ça. 36$ sur Kickstarter. Ensuite, on reste chez les animaux de compagnie avec le Smart Pet Feeder. Pour garder votre animal de compagnie bien heureux, bien nourri pendant que vous n'êtes pas à la maison, c'est le Smart Pet Feeder qui se connecte à votre réseau à la maison, votre réseau Wi-Fi. Et ça vient avec une caméra intégrée, une webcam qui vous permet de vérifier si votre animal de compagnie a encore de la nourriture. 250$ sur Amazon. Vous pouvez mettre à l'horaire la livraison de votre nourriture, donc faire un horaire pour votre animal. Il y a 6 portions. Il y a 6 un peu comme une pizza séparée en pointes. Donc, la nourriture est intégrée dans ces 6 affaires-là. Ça va au lave-vaisselle, tout ça. Okay. Tu peux mettre de la nourriture sèche ou de la nourriture humide. Hein? Ouais. Y a un enregistreur de voix dans la machine et tu peux parler à ton chien. Donc, et puis la webcam montre le chien en train de manger et la nourriture, je crois. En tout cas, on voit pas la capture d'écran de la caméra, mais d'où elle est située, c'est ce que je présume. Ça se connecte par Wi-Fi en moins d'une minute. Oui, la caméra peut voir l'animal de compagnie à partir de n'importe quel téléphone cellulaire intelligent. Et chaque compartiment jusqu'à 8 onces de nourriture, et c'est toi qui décides combien tu vas donner à ton animal. Ou même, tu pourrais mettre dans différents compartiments de la nourriture sèche, de la nourriture humide et de la nourriture des bonbons, des jouets. Ouais. Et comment on appelle ça, des petits nananes. Des nananas chiens, là. Des nananas chiens, comme tout le monde dit ça, je sais bien. Ensuite, on s'en va au salon un peu, devant la télé ou devant peu importe ce que tu veux faire. Mettons que t'es pas à ton bureau. Ouais. Et t'as ton portable et tu trouves que ton portable sur tes cuisses, c'est pas le fun, c'est chaud, c'est pas plaisant. Oh mon tout. Dieu, surtout mon ordinateur personnel, tu l'as déjà entendu, c'est terrible. Je sais pas d'où il vient cet ordinateur, mais il a besoin d'un petit nettoyage. Il est vieux. Il est vieux pas mal. Donc, c'est une planche de bambou, c'est le Bamboo Lap Workstation. Ça vient avec une surface tout à fait plane et douce, hein? Et ça ventile votre appareil. C'est fait pour accommoder une variété de tablettes et de téléphones intelligents. Donc, je te l'explique un petit peu sur la planche. T'as l'espace pour le portable, ça va. Oui. T'as l'espace tapis de souris à droite. Oui. Okay. T'as un petit compartiment imbriqué vers l'intérieur pour mettre des crayons, des trucs comme ça. Oui. T'as une fente sur le haut de la planche qui va venir accueillir un iPad ou autre. Ah, iPhone okay, qui oui. va tenir debout. Tu comprends? Donc, la fente fait que ça tient dans la fente. C'est génial. Super bien fait. Prosumer's Choice, $60 sur Amazon.com. Portable, ventilé, organisateur. Et les trous, ça sert à quoi? À aérer, j'imagine? À la ventilation. Ouais. C'est des trous en forme, je crois, d'hexagone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Donc, il y a des hexagones partout, tout le long de la planche de bambou. Et c'est supposé faire passer l'air mieux. Donc, on les voit sur la photo, sur l'article sur assemblagerequis.com. On voit au début juste les trous qui sont pas en dessous du portable. Mais en déroulant la page, déroulant le rebord, on voit qu'il y en a partout sur la planche. C'est super cute. J'aurais aimé s'il y avait eu plusieurs couleurs. Non, mais c'est bambou nature. Ouais. Ouais, mais moi, personnellement, j'aurais probablement pris bambou de toute façon. Mais j'aurais aimé l'option. Ouais, je te l'accorde. Ensuite, on va à la salle de bain avec le Compact Bathroom Organizer pour garder votre salle de bain complètement propre en tout temps. C'est super simple. C'est un peu comme une commode, comme un bureau. Mais à la place d'avoir un bureau à 3-4 tiroirs de large, c'est un bureau à un seul tiroir de large. Oh. Okay? Et en fait, tu as deux tiroirs un par-dessus l'autre, donc un petit tiroir comme un tiroir à brosse à dents, oui. brosse à cheveux, etc. Et en dessous, une grande armoire, mais plus haute, qui est aussi un tiroir. Donc, tu tires dessus et tu as un compartiment à rouleau de papier de toilette et à produits de nettoyage. Parce qu'on sait tous que la seule façon, en tout cas, pour moi et pour bien d'autres probablement, de faire le nettoyage de la salle de bain, c'est si tes produits sont déjà là. Faut que ce soit à portée de main. Sinon, tu vas pas aller dans la cuisine ou dans la penderie pour aller chercher tes produits, puis tu vas moins faire souvent le ménage, en tout cas à mon expérience. Ça mesure seulement 9 pouces de large, donc c'est fait pour entrer entre le bain et la toilette dans la plupart des appartements, ou une bonne majorité, avec 5 compartiments uniquement formatés. Donc, il y a même un dessus qui se relève sur le dessus de la commode. T'as une petite armoire qui s'ouvre par le dessus, comme un capot, si on veut. Et là okay. aussi, il peut y avoir des produits. Par exemple, bon, ici, je crois que c'est l'après-rasage, une brosse à cheveux, des trucs comme ça. T'as aussi un rack à magazines sur le côté, ce qui est parfait pour mettre à côté de la toilette. $140 chez Amaker Schlemmer, la compagnie célèbre pour ses catalogues dans les avions, entre autres. $140, c'est quand même cher pour une petite commode comme ça, mais ça pourrait te sauver tellement de soucis si t'as pas de pharmacie dans ta salle de bain. C'est ouais. pas rare, c'est les appartements qui n'ont pas de pharmacie. C'est vrai. C'est malheureux. Ensuite, on va dans la chambre à coucher de votre enfant, peut-être, avec les livres d'histoire personnalisés. Faites de votre enfant la vedette de son propre conte de fées avec des livres pour enfants personnalisés en anglais, évidemment, pour commencer. Donc, les livres sont merveilleusement bien illustrés avec des couleurs vivantes et permettent la personnalisation avec le prénom et le nom de famille qui va être sur la couverture et à l'intérieur de l'histoire. Donc, par exemple, tu aurais le livre qui s'appelle « My Very Own Name mm-hmm. ». Hein, ce serait ton prénom qui serait dessus, écrit par Maine Hogg, illustré par Mark Mill. Et puis, à l'intérieur, bon, tu aurais « Hey, Tania, blablabla. » OK, ouais. Tu sais, mais c'est tout ce qu'il y aurait de changé, c'est le même personnage. Ça ne dit pas que tu peux personnaliser l'apparence du personnage, donc j'imagine que peut-être qu'on le voit pas peut-être, dans le livre. Peut-être. C'est ce que je me demande. Ça dit seulement de personnaliser le nom de famille et le prénom jusqu'à 15 caractères. Donc, ceux qui s'appellent Guillaume Emmanuel. Oublie ça. Désolé pour vous. Hein, désolé en général. Ouais, c'est ça. Ça mesure 9 par 11 pouces. Ensuite, c'est pour ceux qui jouent aux cartes. Je sais que tu joues à des soirées, comment dire, jeux de société, jeux de famille, jeux de table, etc. Donc, des fois, 54. C'est combien de cartes avec les instructions puis le Joker? 53, 54? C'est pas 54. 52, il me semble, mais plus les instructions puis les. Les Jokers. Il n'y a pas d'instructions dans des jeux de cartes. Ben oui. Ah non. Ben oui. Ben sûrement qu'ils ont été jetés avec le temps. Mais il y en a d'habitude. Ben pas toujours. Il y en a des fois. Ouais, non, vraiment pas tout le temps. Bref. Des fois, tu peux perdre tes cartes, t'as plus la petite boîte de plastique, ça fonctionne pas. Donc, il faut que tu t'achètes le Hold'em Band for Playing Cards. C'est une bande de silicone qui va tenir vos cartes. Hein? Wow! Wow! En effet. Donc, décorez votre vie avec ce petit morceau de silicone en plastique. Là. C'est plastique silicone, vous comprenez ce que je veux dire. Ça coûte 8$. Il y a différents designs que tu peux choisir avec le roi, la reine, j'imagine le Joker. C'est 6,5 par 1 par 6 cm. Shipping gratuit partout dans le monde. Et c'est vraiment fait pour juste tenir vos cartes. Il n'y a absolument rien d'autre à dire que ça. C'est tout. C'est tout. Ils ont aussi sur le même site, sur Animica USA, des napperons en cartes à jouer. Mm-hmm. Des trucs comme ça. Donc tu peux acheter plein de choses avec l'apparence des cartes. C'est le fun. Ensuite, justement, on reste dans le silicone. On va terminer avec ça, je crois. C'est pour agripper votre téléphone un petit peu plus facilement avec le InSlip. Les téléphones sont de plus en plus minces. Les iPhones particulièrement, moi ça m'énerve. Ils n'arrêtent pas de minimiser la hauteur du téléphone. C'est de plus en plus mince. C'est un genre de 2-3 mm des fois avec les iPod Touch, etc. Donc, opérer votre téléphone avec une main, ça peut être très périlleux, surtout avec un écran de 6 pouces de diagonale. La solution à l'époque était de mettre votre téléphone dans un étui. Toujours épais, affreux. Souvent, moi aussi, je trouve que la plupart des cases de téléphone sont vraiment affreux. Ça défait l'esthétique du téléphone. Donc, le InSlip, c'est un simple ajout très efficace. C'est une bande élastique qui va adhérer au dos de votre téléphone. Avec vos doigts passés dans la bande, vous allez pouvoir tenir votre téléphone pour faire tout ce que vous voulez avec. Ouais. Et on démontre aussi la force extrême de la bande et de l'adhésif utilisé pour s'installer sur le téléphone avec des stretch tests. On dit que lorsqu'il n'est pas utilisé, le InSlip va se mettre à plat sur une table avec une hauteur de seulement 2,5 mm, juste assez pour lever votre téléphone de la surface de la table et donc protéger un petit peu des graffignures. La bande va aussi, ça va aussi empêcher votre téléphone de glisser peut-être dans la voiture, sur le comment on appelle ça, le dash. Board. Ah oui, mais oui, évidemment. Tableau de bord. Donc, vous pouvez contribuer à la campagne Kickstarter qui va être complétée le 1er avril. C'est disponible en 4 grandeurs, petit, moyen, large et tablette. Et ça vient seulement en noir pour l'instant. Il va y avoir d'autres couleurs s'il y a assez de backers sur Kickstarter. 10$ par personne pour les 10 000 premiers backers pour avoir un InSlip de n'importe quelle grandeur. Livraison estimée en mai 2016. Ils sont rendus seulement à 7 000, presque 8 000 sur 30 000. Mais il reste encore 36 jours. Et c'est vraiment donc une bande de caoutchouc qui se colle à n'importe quel étui ou n'importe quel téléphone et tu peux tirer un petit peu sur la bande pour passer tes doigts en dessous pour tenir dans la bande comme si c'était une poignée. On se comprend là-dessus. Oui. Voilà. C'est tout pour cette chronique de Ça existe, mais ça ne devrait pas en là. Les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission d'aujourd'hui. On parle du 25 février 2016. On prend une pause. Au retour, c'est à ton tour, Tania. Eh bien, oui. Ta chronique Tania is going to Tania. Ça en vient dans 2 minutes à peine. Restez là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki pour toi aujourd'hui. Bon retour, c'est toujours à Assemblage Rocky en ce jeudi 25 février 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, mais Mathieu Plante n'est qu'accessoire pendant la prochaine demi-heure. Parce que c'est le moment d'écouter Tania parler. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Ça commence à avoir mal à la gorge. S'il faut que je paye un autre rhume et une autre sinusite, Ça va aller mal. Pareil comme à l'automne qui a duré jusqu'en janvier. Ça ira pas bien. Ça va faire une belle année scolaire, je trouve. Tu vas avoir été malade la plus grande partie de l'année, en fait. Et voilà, mais bon, ça, c'est pas ton problème, c'est le mien. Ton problème à toi est de trouver un sujet à chaque jour de la semaine. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé aujourd'hui? Mais aujourd'hui, en fait, je vais t'avouer que hier, lorsque je suis arrivée à la maison, j'étais comme vraiment vidée le mercredi. C'est pas la première fois que je le dis. C'est la journée qui est le plus difficile à rester éveillée pour moi. Aussi, c'est vraiment la même chose. Pareil, pareil. On dit que c'est le nombril de la semaine. Pour nous, ça paraît parce qu'on se lève quand même assez très tôt à chaque matin. Ouais. Donc, de ce côté-là, quand je suis arrivée chez moi hier, j'ai pas trop eu la première idée de chercher un sujet lourd pour aujourd'hui. Premièrement, parce que mon cerveau aurait tout simplement pas suivi, ça a arrêté de la bouillie. Donc, je me suis vraiment concentrée à ce que j'allais faire durant la soirée et est venue cette fameuse idée il y a quelques temps que ma voisine, qui est en fait un petit peu dans ma famille, a décidé... Par association? Par alliance? Ben, pas vraiment. Ben, c'est long à expliquer, là, mais c'est la sœur de ma tante. Voilà. Bon, tu vois, c'était pas si long à expliquer que ça, finalement. Elle a décidé de faire une soirée dégustation épicure. Ah! Et là, tantôt, tu me disais toujours pas une présentation Tupperware. C'est pas mal la même chose, mais avec de la bouffe. C'est pas mal la même chose, je vais t'avouer. C'est de la vente directe. On peut pas vraiment dire le contraire. Ouais. Là, c'est carrément ça. Par contre, j'ai vraiment aimé la différence qu'il y avait là-dedans parce que, comme tu dis, c'est pas des produits nécessairement à acheter pour que ça reste soit dans une armoire ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la nourriture puis ce qui va venir combler un grand besoin quand même assez vital là, qui est de manger et de se nourrir. Gens, ouais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas parler de ça, parce que ça a quand même pris une grande partie de ma soirée et j'ai quand même été surprise de comment j'ai apprécié ce produit-là, les produits, en fait, parce qu'on n'en a pas seulement goûté un. Mmh. Donc, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'Épicure en tant que tel? C'est une compagnie qui a vu le jour en 1997 et qui a été fondée par Sylvie Rochette, une Québécoise qui vit maintenant en Colombie-Britannique. Et les sièges sociaux sont en Colombie-Britannique aussi. Et pourquoi est-ce qu'elle a créé ça, cette fameuse compagnie-là? Eh bien, il faut savoir que c'est surtout pour le manque d'alimentation sain qu'on retrouvait et qu'on retrouve encore aujourd'hui en épicerie. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées à l'alimentation. Je pense entre autres à l'obésité, au diabète. Il y a de plus en plus de gens qui font des pierres aux reins, des pierres un petit peu partout dans l'estomac ou quoi que ce soit. Donc, c'est souvent relié à tout ce que l'on retrouve dans notre alimentation. Et c'est pourquoi Sylvie Rochette a décidé de partir cette compagnie-là. Sans compter les produits qui sont retirés du marché parce qu'il y a eu une infection ou quelque chose. En plus. Les salades d'ol qui ont été retirées récemment. Tu sais pas d'où ça vient, ça a été surprocessé, etc. C'est ça. Donc, j'ai quelques statistiques pour vous. En fait, un adulte sur deux au Canada est en surpoids. 382 millions de personnes vivent avec le diabète. Il y a plus de 83 millions de personnes qui souffrent de maladies cardiaques. Wow. Il y a 80 % de toutes les maladies chroniques et décès prématurés qui peuvent être prévenus par un mode de vie sain. Mm-hmm. Et quand on dit mode de vie sain, évidemment, on pense à exercice, on pense à nourriture et tout ce qui vient avec. Mais la nourriture et les aliments qu'on va ingurgiter... Ah, ce mot-là, là, je suis pas sûre. Non, hein, parce que ça ressemble beaucoup trop à régurgiter. C'est jamais mais qu'on va consommer, en fait, ils sont pour une grande partie de tout ce qui se passe par rapport à notre propre corps. Et bien s'alimenter, en fait, c'est la clé. Donc, c'est l'heure de reprendre le contrôle de nos cuisines et de s'engager à faire des choix alimentaires sains et surtout santé pour nous-mêmes et pour notre famille. Et c'est vraiment là que Sylvie Rochette, elle a voulu mettre l'emphase pour sa compagnie. C'est d'offrir des solutions de repas pour les familles et les individus qui sont pressés. Parce que bien souvent, quand on va être pressé, c'est là que ça va causer une problématique. Pressé ou paresseux? Pressé ou paresseux, hein, Mathieu? C'est ça, clin d'œil. C'est qu'on va pas nécessairement penser à cuisiner avec des aliments sains ou quoi que ce soit. On va plus y aller pour tout ce qui se fait très, très, très rapidement. Et bien souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va même pas manger à la maison. On va tout simplement passer au restaurant puis se prendre quelque chose. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas, hein? Et là aussi, ça va devenir très, très problématique. Alors, pour être en santé, il faut cuisiner. Et pour cuisiner, il faut avoir des aliments qu'on aime. Je dois avouer que lorsque je suis arrivée à la dégustation épicure, je suis comme arrivée à dos. Tu sais, je me disais... De reculons, c'est ça. Je me disais, OK, c'est des épices, c'est des aliments, mais qui me dit que ça va vraiment être goûteux? Et c'est extrêmement goûteux. Ce sont des mélanges d'épices, ce sont des mélanges de produits à dessert que l'on peut utiliser pour cuisiner. Il y a des sauces qui sont faites là-dedans. C'est vraiment très, très bon et très, très sain. Et durant la soirée, en fait, on avait la représentante qui discutait avant qu'on fasse notre dégustation. Et elle nous parlait aussi des allergies. Tout ce qui est allergie, ouais. Parce que bien souvent, on ne va pas vraiment prendre le temps de regarder sur, je ne sais pas moi, la boîte de... Je ne vais pas nommer... je vais pas nommer certaines compagnies, mais certaines boîtes de soupe, exemple, à l'épicerie. On ne va pas nécessairement prendre le temps de regarder tous les ingrédients qui sont à l'intérieur. Mais sur Épicure, c'est vraiment très facile de voir où sont les allergies et que contiennent les aliments que l'on va manger. Et de ce côté-là, c'est vraiment merveilleux parce que c'est un peu ce qu'on recherche lorsqu'on veut avoir une alimentation saine. Pour les allergies, comme je le disais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de recherches qui peuvent être faites sur le site Internet même. J'irai mettre le site Internet sur la page Facebook d'Assemblage Reiki, bien évidemment. Oui, il y a plusieurs produits qui ne contiennent pas de lactose. Hier, on a dégusté un produit à dessert qui était une espèce de poudre aux fruits. Et la première question que j'ai posée, c'était à savoir s'il y avait des pommes à l'intérieur. Et elle m'a apporté la liste des ingrédients. C'est vraiment juste des fruits, mais sans pommes. Magnifique, ça. Donc, j'étais vraiment contente. Parce que souvent, c'est de jus de pomme qui sert des fois pour ajouter un petit peu de saveur. Ou, exact. Puis, dans ce genre de produits-là, parce que ce sont beaucoup des épices, ça va surtout être en poudre, on va utiliser des pommes râpées bien souvent. Ouais. Donc, de ce côté-là, je voulais être certaine que je pouvais déguster. Mm-hmm. Et j'ai vraiment été surprise de voir que si jamais on cherche les aliments même, on a la liste et c'est vraiment facile de repérer ce que l'on ne doit pas nécessairement manger. Ouais. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas beaucoup de sel et de sucre dans les produits, mais ça n'enlève pas le goût. Okay. Parce que bien souvent, ce que l'on va dire, c'est « Ouais, mais c'est parce que si tu ne mets pas de sel, ça ne va rien goûter. » C'est pas vrai. Je dois avouer que hier, j'ai vraiment resté surprise sur comment c'était goûteux versus ce qui n'avait pas de sel à l'intérieur des produits. Parce que ce sont des mélanges d'épices qui vont vraiment venir faire sortir les saveurs de ce que tu veux dans ton alimentation. Et c'est vraiment, c'est ça qui était vraiment plaisant à goûter par la suite. Parce que tu disais, ouais, mais il y a ce petit côté salé-là, mais c'est pas le sel qui le produit. C'est vraiment une combinaison de différents ingrédients et différentes épices qui faisaient en sorte que tu avais ce petit goût salé-là. Ouais. Ce qui est le fun aussi, c'est que si vous vous rendez sur le site internet epicure.com et que vous allez dans l'onglet cuisiner, vous avez une panoplie de recettes où on vous dit quelle épice utiliser, quel ingrédient utiliser. Vous allez voir aussi, vous allez avoir les saveurs du monde. Donc, si vous êtes du style à manger, je ne sais pas moi, indien, marocain, méditerranéen, bien, vous allez vraiment avoir les produits que ça va vous prendre pour arriver à ces recettes-là. Il y a aussi les recettes saisonnières. Si on arrive en été, il y a des recettes qu'on va vouloir plus que si on est en hiver. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment bien détaillé pour ce qui est des recettes. Puis aussi, la partie que j'aime beaucoup, c'est prêt en. Ah, le Donc, temps? Oui, vous avez des recettes qui est prêt en 15 minutes ou moins, prêt en 20 minutes, 45 minutes ou 60 minutes et plus. Donc, tout dépendant du temps que vous avez à allouer à cuisiner, vous allez pouvoir retrouver des recettes sur le site Internet et c'est vraiment le fun. Il y a aussi une panoplie de déjeuner et brunch. C'est quelque chose que j'ai aimé parce que, comme je te le disais, c'est différent des représentations, exemple Tupperware, des représentations Party Light, de maquillage. C'est le même concept. On peut pas cracher sur le concept parce que, bien évidemment, il y a quelqu'un... On peut cracher sur le concept. Ben, on peut cracher sur le concept, mais il y a quelqu'un à quelque part qui a compris que ce concept-là fonctionne. Oui, quelqu'un qui sait comment faire du cash. Oui, mais c'est surtout que lorsqu'on vient parler d'alimentation... C'est quelque chose qui est vital. T'en as besoin de toute façon. Ben, c'est ça. C'est ça, c'est pas du maquillage. C'est pas du maquillage. Donc, de ce côté-là, de dépenser un 8$ pour des produits que tu vas utiliser, ça fait moins mal au cœur que d'aller utiliser des produits de beauté. Pour des chandelles, mettons. Ouais. Donc, tu disais que c'est des poudres? Oui, il y a des poudres. Il y a, En fait, il y a des poudres, il y a des assaisonnements. Ouais. Il y a des assaisonnements à trempette. Donc, là, bien souvent, on va arriver, on va penser à se faire une salade. On va aller chercher automatiquement la sauce à salade. Eh bien, eux, en fait, ils vont nous montrer à la faire. Ouais. Donc, on va prendre les propres ingrédients d'une sauce à salade et on va la faire maison. C'est vraiment pas long. Il y a aussi des gelées. Donc, de ce côté-là, lorsqu'on cuisine, exemple, hier, on a goûté des boulettes de viande avec une gelée au piment. Mm-hmm. Et à l'intérieur des boulettes, il y avait un mélange d'épices qui était des piqûres et c'était recouvert d'une gelée qui était cuite dans la gelée de piment. C'était très, très, très bon et très goûteux. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas seulement des poudres, il n'y a pas seulement des épices. Vous allez retrouver des choses qui vont être liquides aussi à certaines fois. Il y en a aussi pour le dessert. Tout à l'heure, je parlais de dessert. Il y a des mousses au chocolat qui sont vraiment incroyables. Il y a des thés. C'est vraiment... On mise vraiment sur l'alimentation saine de ce côté-là. C'est vraiment bien. Et comme je vous disais, je vais mettre le site Internet sur la page Facebook d'Assemblage Requis parce que je pense que ça vaut la peine, même si vous ne voulez pas nécessairement acheter ou quoi que ce soit, parce que je ne suis pas ici pour vendre. Vous dire. Ouais, t'es c'est pas, ça. Tu n'es pas conseillère. Je ne suis pas conseillère. Là, mais c'est pour tout ce qui est recettes, tout ce qui est regarder les aliments, vous allez voir, vous allez en avoir pour longtemps parce que le site est très, très, très, très garni d'informations, mais c'est super bien fait. Épicure. Simple de même. Voilà. Génial. C'est si simple. Merci, Tania. Le deuxième sujet que je voulais vous parler, oui, ça va aller plus rapidement parce que c'est un plus petit sujet, c'est l'événement qui s'en vient ici à Trois-Rivières, plus précisément à l'UQTR, cette fin de semaine. C'est le Startup Weekend. Mm-hmm. Ça me fait penser un petit peu, tu sais, bien souvent dans la chronique qu'on vient de faire, on parle de Kickstarter. Ouais. C'est un petit peu la même chose, mais dans une espèce de congrès, dans une espèce de compétition. En public. Exactement. Donc, ça se déroule les 26, 27 et 28 février à l'UQTR ici. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est un événement de 54 heures où des développeurs web, des designers, des spécialistes de marketing, des gestionnaires, des entrepreneurs et aussi des étudiants, surtout là, on met sur les étudiants ici de l'UQTR, qui vont se regrouper en équipe pour partager des idées, créer des produits et lancer des entreprises pendant la fin de semaine. Donc, d'où ça vient, ça, en fait? Parce que moi, quand j'ai su qu'il y avait un Startup Weekend à Trois-Rivières, je me suis dit, OK, mais ça vient d'où, là? Ouais. Ça n'a pas été créé ici à Trois-Rivières nécessairement, là. Ça ne doit pas être le premier. Donc, je me suis vraiment posé la question et j'ai trouvé que le concept a vu le jour en 2007 au Colorado. Bien évidemment, c'est une idée américaine. Oui. Et ça visait à regrouper de 60 à 120 participants. Donc, il y a eu des inscriptions qui ont été faites. Sachez que présentement, l'événement est complet. On ne peut plus s'inscrire comme participant. J'imagine que l'on peut aller faire un tour pour simplement regarder comment ça se passe, être spectateur en tant que tel, parce qu'on peut apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup lorsqu'on y assiste. Donc, est-ce que de ce côté-là, on va pouvoir y assister? J'ai pas trouvé la réponse, malheureusement, sur la page Facebook de l'événement, non plus sur le site Internet, mais j'imagine que c'est possible si jamais vous êtes du côté de l'UQTR cette fin de semaine puis vous voulez jeter un coup d'œil. Il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là, là. Et il faut savoir que, comme je le disais, ça l'a vu le jour en 2007, mais aujourd'hui, on est rendu à plus de 1500 startups, donc des événements qui ont eu lieu dans plus de 600 villes, plus de 120 pays. Il y a plus de 123 000 participants qui ont participé à ces fins de semaine-là. Et ça a créé plus de 8300 entreprises au travers de 120 pays. Wow. Et ces 8300 entreprises-là, aujourd'hui, fonctionnent très bien. C'est les entreprises qui sont ressorties gagnantes de cet événement-là. Un pas pire succès. C'est ça, un pas pire succès. Puis on se dit que la plupart du temps, c'est des étudiants qui vont aller là. Donc, des étudiants qui connaissent leur sujet puis qui sont surtout, qui ont la fibre entrepreneuriale. C'est surtout ça qu'on cherche. Donc, comment est-ce que ça se passe la fin de semaine en tant que telle? Bien, ça commence le vendredi. Les participants vont commencer à faire leur pitch d'idées devant les autres. Pour par la suite former des équipes, puis là, par la suite, développer le projet en tant que tel ou le produit en tant que tel. Le samedi et dimanche, bien, comme je le disais, on va mettre en place les plans d'action, les plans de marketing, on va développer le produit, il va y avoir Samuel nous parle souvent des imprimantes 3D qu'il y a ici à l'université en ingénierie. Samuel Girard. C'est ça. Eh bien, ces imprimantes-là vont être mises... À la disposition des participants durant la fin de semaine. Donc, s'ils veulent imprimer le produit en 3D, ça va pouvoir être fait. Donc, on va développer les produits, on va développer les services. Tout au long de la fin de semaine, ils vont être parrainés par des coachs, des experts en finance, des experts en technologie. Marie-Mé va être là. Non? Oui, non, je ne penserais pas. Il va y aussi avoir des entrepreneurs, des dirigeants de compagnie. Et le dimanche, on va présenter le produit ou le service qu'on a décidé d'offrir. Et on va le présenter au panel d'experts le dimanche soir. Et là, bien évidemment, c'est une compétition. Oui. Donc, il y a des prix à remettre. Oui. Je trouve que c'est un très bel événement. C'est surtout que ça donne la chance aux étudiants de démontrer qu'ils peuvent faire quelque chose par rapport à leur domaine d'études et surtout qu'ils sont très, très motivés. C'est certain qu'on va voir des gens qui étudient en marketing ici, probablement en ingénierie, en technologie, qui vont être du côté de l'UQTR cette fin de semaine, mais c'est aussi ouvert. Donc, il y a des gens de la communauté qui peuvent s'inscrire à cet événement-là et j'imagine que ça a été fait. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours passer, jeter un petit coup d'œil durant la fin de semaine. Voilà, Startup Weekend, c'est vendredi, samedi, dimanche, 54h, c'est 2h30. Oui, voilà. Exact. Bref, mettons, si on veut. Ouais. Génial, merci Tania. Encore. Ça fait plaisir. Oui. Tiens, t'as parlé de nourriture tantôt, t'as parlé de piment. Ouais. Dans tes boulettes de viande. Oui. Ça me donne envie d'entendre Midi Cayenne Club, comme Cayenne, comme du comme poivre de Cayenne. Poivre de Cayenne. Pigeon voyageur, Midi Cayenne tout de suite, à Assemblage Rocky. Cœur des plantes qui poussent, les yeux du temps qui passent, devrons-nous avouer à la fin de nos jours avoir manqué d'audace? La lueur de nos ardeurs, le soleil de nos amours, à quand le souvenir de notre éternel retour? Que le quotidien nous égare, le printemps se prépare. Nous sommes pas seulement que des vaisseaux de peau qui écoutent le vent. Nos mots sont des sons qui vont loin, mais qui n'expliquent rien. Ainsi les poèmes meurent d'envie de se lever dans nos mains. Oui, valse à tout vent, que l'ici soit ailleurs. Please. Lady Cayenne Club, Pigeon Voyageur à Assemblage Ricky. Ça sera la chronique de Tania. Tania is gonna entertain ya. Merci encore. Ben, ça fait plaisir. Autour de la pause, ça va être l'heure d'une grosse pointe en dresse. Notre moment bref de la semaine. Restez là. Yeah! Aujourd'hui. Vous êtes à C'est fou? 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki pour toi aujourd'hui. Assemblage Rocky, on se jeudi 25 février 2016, c'est Tania Maudin. Avec Mathieu Plomb. Il nous reste une dernière journée en février, tu sais que lundi, oui. Ça va être le 29, c'est incroyable. C'est vrai? Je n'en crois pas mes oreilles. Donc on n'aura pas le mois de mars tout de suite, ça va être mardi. Mais bon, on n'est pas là pour regarder le calendrier, sauf que si on était là pour regarder un calendrier, ce serait sûrement un calendrier qui inclurait des petits carrés de quelque chose de sucré. Hein? Comme un calendrier de l'Avent. Mettons, exemple, donc justement, nous voici arrivés à une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la grille dans laquelle on goûte un produit de malbouffe, un produit acheté dans l'épicerie, en dépanneur, quelque chose du genre, les produits du tiroir, comme on l'appelle. Et aujourd'hui, j'ai encore deux choix pour toi, Tania. Oui. Deux choix sucrés, par contre. Donc, je te dirais que les deux sont assez similaires. Est-ce que tu as envie, et je t'ai déjà proposé la même chose la semaine passée comme choix, là, de commencer par le salé ou le sucré? Non, mais là, c'est sucré les deux barres, fait que tu n'auras pas cette option-là. Tu vas avoir à choisir entre citron-limette ou encore vanille. Citron-limette. Oh, t'es original aujourd'hui et je te fais découvrir, avec moi en même temps, les Coco Bites. Coco Bites crémeux de la compagnie Anastasia Confection. D'accord. Hein? Dans un sac très très vert fluo avec des feuilles style palmier, hawaïen un peu, en dessous du logo. Coco ressemble à de la guimauve, on dirait, comme logo, la couleur, je trouve. Mais je pense pas qu'il y ait de guimauve. Ça dit confection de petites bouchées de noix de coco crémeux trempé dans un véritable chocolat noir. Donc, je sais pas, qu'est-ce qui est crémeux? Est-ce que c'est le confection, le petit boucher ou le noix de coco? Je me demande qu'est-ce qui est masculin là-dedans, tu sais, pour dire crémeux? Le coco. Le noix de coco? Ouais. Un noix de coco? Non, mais le coco. Pas sûr. Donc, trempé dans un véritable chocolat noir et en plus, il y a un point d'exclamation. Ah! Saveur de citron limette, comme on a dit tout à l'heure. C'est agrandi pour montrer les détails sur le sac. On voit des carrés, des prismes, je dirais, avec des petites lignes dessus. Et à l'intérieur, on voit une pâte verte. OK. Donc, à la citron limette. Ça dit, comme slogan en arrière, « Les vacances sont à une bouchée près. » Vacation is just a bite away. Hein? Ça va goûter le sud. Je crois que oui. Dans les ingrédients, on retrouve du sucre. Donc, d'accord. Ça goûtera peut-être pas le sud, mais le sucre. Le sirop de maïs, la noix de coco arrive en troisième place, chocolat noir en quatrième, ensuite on a un petit peu de vanille, citron-limette, jus de citron-limette, arôme naturel artificiel, sel, amidon, blanc d'œuf, etc., colorant. Il y a du soja, des œufs et des sulfites à l'intérieur. Ce produit a été fabriqué dans une installation qui traite des arachides, des noix, du lait, des œufs, du soja et du blé. C'est fabriqué aux États-Unis pour Anastasia Confection, qu'on peut retrouver sur Facebook ou facebook.com/AnastasiaConfection. Et là, j'ai fait le tour, il n'y a rien d'autre à dire nulle part, à part le poids net de 113 grammes. D'accord. Voilà. Je te passe ça dans le corridor où les dégâts sont impossibles. Youp. Et on va ouvrir le micro magique qui nous attend toujours pendant 7 jours ouvrables. Non, 5 jours ouvrables. Une chance qu'on ne travaille pas en fin de semaine, quand même. Chance. Hein? OK, on est prêt? Coco Bites. Je vais essayer de l'ouvrir de façon... Voilà, bon. C'est fait. C'est un sac un peu comme les sacs de bonbons. Oh, ça c'est même emballé individuel. Ah. C'est pas mignon. C'est vraiment bon. Joli. C'est très. Je vais te repasser le. C'est un verre pastel. Dans le col d'or magique. Merci. Il est loin, il est rendu ouais, loin. Il est rendu loin. Loin. Puis je vais ouvrir le petit sachet parce que là, on voit pas encore le produit. Ça sent, en tout cas, déjà. Ça sent la limette? Non, mais déjà à travers le. Je te dirais que ça sent le chocolat, en fait, là, okay. Mais ça sent déjà à travers le papier. Puis je moi, l'ouvre puis, en même temps. Moi, puis ouvrir des affaires. Oh, c'est plus gros que je pensais. C'est pas tant agrandi que ça sur la couverture. Ça disait agrandi pour montrer la texture, mais c'est proche pas mal. Est-ce réalité. Que t'es capable d'ouvrir le petit papier, toi? Ouais. Ah, OK. Qu'est-ce que tu veux je l'ai eu. J'y suis arrivée, je vous dirai pas comment, mais j'y suis arrivée. Avec ses dents! Eh oui, t'as raison, c'est ben, quand même gros. Pour vrai, c'est la même chose que sur le sac, là. Ouais, ouais, ouais. Ben, même que sur le sac, ça a l'air plus petit. C'est ça. En tout cas, bref, peu importe. Leur designer est pas safe. Oh, ça sent le chocolat noir. Très puissant, quand même, comme chocolat noir. Je sais pas combien de pourcentage, ça le dit pas sur l'emballage, malheureusement. Ils sont pas très détaillés sur ça. Ça sent bon. Ça sent le foncé, tu sais. On goûte? On goûte, oui. Une bouchée, moi, j'y vais au complet, hein. Moi, je vais avec la bouchée. OK, attention. Le petit la brise de fraîcheur, hein? Mm-hmm. Très limonade. La petite brise de lime là, comme tu dis. Bien, bien, c'est comme une bounty mais en bien meilleur. C'est frais. On sent les vacances. On sent vraiment la noix coco. La texture est le fun aussi. Ouais. Très filament comme les noix coco lait habituellement. Comme la coco, hein. Oh bien. Ah, c'est très bon! Mm-hmm. C'est sûr que t'en manges pas 42, là? Non, c'est très sucré. J'en prendrai bien un deuxième tantôt. J'adore ça, moi! C'est très bon! Coco Bites! Une surprise, j'ai vu ça à l'épicerie, j'avais jamais vu ce produit-là avant. Mm-hmm. Tant mieux que ça existe. Il y avait d'autres saveurs aussi. Faudrait que je recherche dans mes photos pour sortir ça. Je mettrai la photo sur la page Facebook. Il y avait d'autres saveurs... J'aime la fraîcheur. Original. Oui, c'est ça, la fraîcheur de citron limette. Mm-hmm. Génial. Un pouce de laser. Un pouce de laser, moi aussi. Voilà. Donc, maintenant, parlons de fast-food. On va aller en Ohio, où les résidents peuvent maintenant commander un sandwich au poulet et aux crêpes chez McDonald's. Tu sais que crêpes et poulet est une combinaison américaine très reconnue. Ah ouais? Ça va être ça. Donc, c'est vrai. Donc, apparemment, bon, il y a plusieurs articles de menus qui sont secrets aux États-Unis chez McDonald's. Par exemple, les Pie McFlurries, le Monster Mac avec 8 tranches de bœuf, plusieurs autres trucs comme ça qui sont pas sur le menu. Mais maintenant, apparemment, qui n'est pas sur le menu, on peut commander ça. Le Chicken McGriddle qui est testé dans 11 restaurants McDonald's. Si ça devient populaire avec les clients, ça pourrait éventuellement arriver sur le menu de déjeuner toute la journée chez McDonald's. On sait qu'ils servent le déjeuner toute la journée aux États-Unis. Donc, selon Columbus Business First, le Chicken McGriddle, est une plaquette de poulet frite entre deux crêpes au sirop d'érable. Comme on sait, le McGriddle, en français, c'est le mec McCrêpe. Le McCrêpe, ouais. McCrêpe, utilisé pour faire le McGriddle normal. Selon un homme qui est populaire, qui est propriétaire de 8 restaurants McDonald's en Ohio, c'est lui qui est responsable pour ce pitch de vente au bureau de McDonald's avec un petit groupe de testeurs. Donc, justement, tiens, en passant, ça nous dit sur l'article de mentalfloss.com que le filet de poisson, le filet au fish et le Big Mac, les deux ont commencé comme chez les franchisés. Ah ouais. C'est les franchisés qui avaient proposé et moi, je préfère un filet de poisson. Et c'est devenu un article qui est dans tous les McDonald's. Ça dépend surtout de où tu es, hein? Oui. Tu sais, exemple, les gens de la Gaspésie, là, c'est sûr qu'ils doivent avoir plus de poissons dans leur menu du McDo que nous ici. Tout là. À fait. Ici, moi, j'ai jamais vu personne commander un filet de poisson. Ça arrive, c'est mais... C'est très rare que j'en vois. Il y a même le filet de poisson double chez McDonald's. Ah, t'es-tu sérieux? J'ai jamais vu ça, jamais vu personne commander ça. Bref, le Chicken McGriddle, que Mortarello décrit comme un goût de poulet et gaufre. Poulet et gaufre. En fait, c'est ça, tantôt, j'ai dit poulet et crêpe. C'est ce, c'est ce qu'ils vont faire chez McDonald's, mais ce qui est populaire comme plat aux États-Unis, c'est poulet et gaufre. Je me suis un petit peu trompé. Donc, ça va être vendu à 1,49$ ou encore 2$. Ça dépend de l'endroit. Et si les gens disent qu'ils rachèteraient ce produit-là, le sandwich pourrait être testé dans plus de McDonald's à travers l'Ohio et ensuite aux États-Unis. Ça va être seulement disponible jusqu'au 27 mars 2016. Voilà. Donc, ça a l'air bon. J'en veux. Mm-hmm. C'est le Chicken McGriddle. Ensuite, non, celui-là, on a déjà parlé de ça. Attends un peu, on va aller à, tu sais, Hershey's, qui présente ses Hershey's Kisses au gâteau carotte pour Pâques. Oh, miam. Pensez-vous les Peeps, comme on dit dans l'article, et les Cadbury Cream Eggs. Maintenant, il y a un nouveau bonbon pour Pâques en ville. Donc, avec le printemps qui s'en vient, on essaie quelque chose de nouveau chez Hershey's, les Carrot Cake Kisses. Nouveau bonbon fait de chocolat blanc, qui a été teint orange. Et on a ajouté une petite saveur de carotte, apparemment. Donc, c'est fait pour avoir l'air d'une carotte qui sort du sol. Hein, parce qu'on c'est cute. Le petit cordon qui sort du dessus, comme toujours avec les Hershey's Kisses. C'est ça. Donc, voilà. Pour les Hershey's Kisses, au gâteau carotte. Ça doit être bon. Ben, pourquoi pas l'essayer? Est-ce même que c'est au gâteau aux carottes ou bien c'est vraiment carotte? Ça dit gâteau carotte. Parce que dans un gâteau aux carottes, t'as quand même des épices. Là. Oui, tout à fait. Ça goûte vraiment pas les carottes du gâteau aux carottes. Okay. Détrompez-vous ceux qui pensaient que c'était aux carottes, que ça goûtait les carottes. Ensuite, une étude dit qu'on mange plus quand nos cuisines ne sont pas bien ordonnées. Ah. Essayez de perdre du poids à la place d'être dans un gym ou manger de la salade, vous pourrez peut-être nettoyer votre cuisine, selon NPR. Une nouvelle étude publiée dans le journal Environment and Behavior indique que nous mangeons plus lorsque nous sommes entourés de dégâts, voilà, ah de bon? Gâchis, de, comment dire, de saleté. Le test dit que notre environnement va influencer nos habitudes d'alimentation. À Cornell University, dans leur Food and Brand Lab, on a recruté 101 étudiantes, donc femmes, et on a mis la moitié dans une cuisine propre et l'autre moitié dans une cuisine sale avec des lettres, journaux, vaisselle pas lavée. Et en plus, pour ajouter au chaos, les cuisines qui n'étaient pas ordonnées étaient aussi remplies de distractions comme des téléphones qui sonnaient et un professeur qui n'arrêtait pas de les déranger. Après avoir dit aux participantes que dans les deux cuisines qu'elles allaient être examinées pour trouver une corrélation entre la personnalité et leurs préférences de goût, les chercheurs leur ont donné un devoir écrit. Les participantes devaient écrire, devaient parler d'une fois où ils se sentaient hors de contrôle ou encore en contrôle. Pendant ce moment, on leur fournissait des collations all you can eat, donc buffet style à volonté, avec des carottes, sinon moins santé comme des craquelins, sinon très mauvais pour la santé comme des biscuits. Les organisateurs ont appris que les femmes dans les cuisines un petit peu moins ordonnées écrivaient sur les fois où elles étaient hors de contrôle presque deux fois plus, avec plus de calories lorsqu'elles mangeaient, donc en moyenne 103 calories, comparé aux femmes qui écrivaient sur le fait qu'elles étaient hors de contrôle dans une cuisine propre avec seulement 61 calories. Et pour les carottes et les biscuits, donc les carottes et les craquelins, on en mangeait plus. Ça disait que la propreté de la cuisine n'affectait pas vraiment. À savoir si les femmes mangeaient plus de carottes et de craquelins, ça n'a pas affecté le fait de manger ces choses-là plus bonnes pour la santé. L'étude était très limitée, donc on n'a pas vraiment cherché très très loin pour ça. On essaie de faire une corrélation qui est peut-être pas super véridique. Et ça dit pas non plus si les bruits dans la cuisine ont affecté les émotions des participantes, mais quand même ça suggère que passer du temps dans un environnement désordonné avec un esprit stressé peut nous faire manger de la nourriture moins bonne pour la santé. Voilà. C'est au moins une piste. Voilà. Mm-hmm. Ensuite, l'armée américaine développe une pizza qui peut durer pendant 3 ans. C'est dégueulasse. Ouais, on cherche toujours des façons de nourrir les soldats qui sont pas à la maison. Donc, quand on est stationné à des milliers de milles de distance des États-Unis. Donc, il n'y a pas grand-chose que les Américains aiment plus qu'une pointe de pizza. Alors, la branche militaire a développé un type spécial de pizza qui peut durer jusqu'à 3 ans dans des conditions difficiles, selon Tech Insider. Donc, c'est le U.S. Army's Natick Soldier Research, Development and Engineering Center qui a passé les 5 dernières années à développer le MRE numéro 37. Donc, repas prêt à manger, meal ready to eat, numéro 37. C'est complètement assemblé, c'est complètement cuit. C'est une pointe de pizza dans un emballage, selon la technologue alimentaire Lauren Oleksik. Le plus grand défi, selon elle, était de trouver trouver une façon d'empêcher les bactéries de pousser sur la pâte de la pizza et dans la sauce qui a besoin d'eau pour donner du goût, mm-hmm. Mais qui aussi attire les moisissures. Yeah. La solution est une méthode qu'on appelle Hurdle Technology. Donc, selon Tech Insider, ça crée une barrière qui empêche les bactéries de se former sur la pizza à travers les années. Le résultat à la fin est donc une pizza qui a une vie de tablette de 3 ans. Et on décrit que ça goûte comme une pizza qu'on mangerait le lendemain l'achat. Donc, c'est pas une pizza molle. Okay, et c'est la pizza du lendemain. Bref, comme on trouverait dans une cafétéria d'école, probablement. Dit l'article. Pas moi qui l'ai dit. Je pense quand même. Donc, on peut la manger directement de sa pochette froide ou réchauffée dans un petit four MRE heater qui s'active lorsqu'on le mélange avec de l'eau. Intéressant, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ensuite, Subway passe à du bœuf cuit lentement. Subway a amélioré son rôti de bœuf avec une nouvelle version qui s'appelle Premium Slow Roasted Beef. Le nouveau roast beef va être assaisonné avec de l'ail, du poivre noir et de l'oignon. On peut le trouver, ou on va pouvoir le trouver pour l'instant aux États-Unis dans leur sandwich Roast Beef et Subway Club. Et ils ont sorti de publicité à la télé. Et pourquoi ne pas regarder cette publicité? Parce que les pubs de Subway, on n'en a jamais assez, hein, tu sais. You can't rush our new slow roasted premium. On peut pas se dépêcher avec notre viande premium. Ça prend juste assez de rôtissage pour arriver à la perfection. Donc, nos chefs ont plus de temps maintenant. Hey, what's that? A model of our kitchen. On est dans un laboratoire, donc ils ont fait un petit modèle avec des figurines. Et là, on montre le four, moi et toi. Wow. Puis le gars dit, wow. T'as vraiment du temps à perdre, genre. Subway Club. Le Subway Club avec du roast beef puis lardement dans les sandwich Subway. Yeah. Non? Oui, ça a l'air bon. Pas plus que ça. Ouais. Ouais, quand même. Moi, j'ai vraiment pas aimé. Mais j'ai jamais été du style à prendre du bœuf chez Subway. Non, mais c'est ça, peut-être que ça va changer. Parce que moi, leur côte de bœuf, j'avais pas aimé du tout. J'aime leur bœuf effiloché, style steak et fromage, j'adore ça. Ouais, ça c'est bon. Vraiment très très bon, mais en tant que tel, leur boucher, leur cube de bœuf, j'avais vraiment pas aimé quand j'ai essayé. Donc j'aimerais voir la nouvelle recette, l'essayer. Ensuite, allons-y avec, Ruffle qui ramène les chips assaisonnés aux États-Unis pour de bon. Tu te rappelles, il y a quelques semaines, moi, on avait parlé de Ruffle assaisonnés, comme de quoi que c'était nouveau aux États-Unis. Eux, ils ont jamais eu cette saveur-là. C'est nous, vrai. C'est la saveur, une des saveurs les plus populaires au Canada. Même que je crois que c'était la plus populaire, on avait vérifié, il me semble. Donc, les Ruffles All Dress sont de retour de façon permanente. Cette saveur est difficile à décrire. Vinaigrée, ketchupée, barbecuée un peu. un peu, il y a tellement de choses à dire là-dedans. Donc, les Ruffles All Dress, c'est en sac de 2,6 onces à 8,5 onces pour le prix suggéré de 1,50$ à 4,29$. On avait dit, même que je pense qu'on peut cliquer sur l'article, dans la critique des Ruffles... oui, c'est ça. OK, donc c'est sel et vinaigre mélangé avec ketchup et sauce barbecue qu'on dit pour décrire les chips assaisonnés. Ah, ben oui. C'est comme ça que les Américains le décrivent. Nous, on a de la misère à le décrire parce que quand même, on l'a toujours eu. Comment tu veux décrire quelque chose que tu connais si bien? C'est vrai, hein? Alors qu'aux États-Unis, tu es peut-être plus capable de mettre le doigt sur le bobo. Frito-Lays lance aux États-Unis encore les All Doritos Snack Mix. On aime tous les Party Mix. De différentes compagnies avec des Sun Chips dedans, des Gold Pretzels, etc. Donc maintenant, si Doritos sont vos préférés, vous allez adorer les nouveaux mélanges Doritos Cheese Explosion et Taco Explosion. Donc la première saveur Cheese Explosion, c'est des chips nachos, des chips 4 fromages, des Jumpin' Jack Cheese super épicés. Et spicy nachos. Et ce que j'aime vraiment, c'est que les formes sont différentes. Et c'est Des formes qu'on n'a jamais vues dans d'autres sacs de Doritos. Donc, on connaît déjà les Cheetos. Oui. Flamin' Hot, donc ça, il y en a. Mais aussi des triangles. Ils sont durs à décrire un peu, mais on dirait des Ringolos. Mais si tu avais mis les Ringolos en forme de triangle... Ça aurait donné ça, probablement. C'est pas mal ça. Et tu as aussi des torsades, un peu comme des rotini, des pâtes. Mais torsades au fromage, j'imagine spicy nachos ou peu importe. Donc, j'ai parlé de Cheese Explosion. T'as aussi Taco Explosion. C'est spicy nacho, crème sure, taco et salsa. Quatre saveurs à l'épargne. Faudrait essayer celle-là. Ah, que j'aimerais ça. Mais est-ce qu'ils sont retrouvables ici au Canada? Pas encore. Non, malheureusement. Donc, Triangle Signature, Dynamita. Donc, ça, c'est les tortillas qu'on a déjà goûté ici à l'émission. T'as les Twists et les Open Triangle, donc triangle ouvert, en sac de 1,49 pour 3 onces et 9,5 onces pour 4,29 $, les prix standards aux États-Unis. Mais ça, c'est sûr qu'on va voir arriver ça dans les prochains mois. C'est certain. J'ai hâte, d'ailleurs. Moi aussi, c'est sûr qu'on les essaie les deux. Garanti, aussitôt que je vois ça, je saute dessus. Ensuite, c'est un vu sur les tablettes et je ne crois pas avoir vu ça ici. Peut-être là, tu as vu, toi, c'est les Minions, mais en œuf, un peu comme les œufs de Pâques. Non, j'ai pas vu ça. C'est des œufs de chocolat au lait en forme de mignon. Ben, en fait, en forme de mignon, c'est juste des ovales. Ouais. L'emballage extérieur fait que ça ressemble à des mignons. Et l'intérieur est à la crème de banane. Oh, banane! Évidemment, il aurait pu faire ça à la sortie du film des Minions au mois de septembre, mais bon, on essaie de faire ça. Oui, mais là, Pâques s'en vient. C'est vrai, les œufs, c'est à part. T'as raison. C'est pour ça. C'est par la compagnie Treat Street. Si vous voyez passer ça, vous nous tiendrez au courant. Ça doit être bon avec la crème de banane. Hey, pour vrai, on n'a jamais essayé ça. C'est pas un sirop de banane, c'est une crème. Crème, et ça fait changement. Tu as Oreo, caramel ici, Foggio, les traditionnels œufs Cadbury, mais là, crème de banane, c'est jamais. On retourne chez McDonald's et on s'en va au Japon avec un nouveau burger qui n'a pas encore de nom. C'est un peu comme un Big Mac aux patates pilées. Ah! Ouais, okay. Le plus récent burger chez McDonald's, donc c'est le Big Mac avec des patates pilées et du bacon à la place de la palette, la tranche de bœuf processé. Donc on demande aux fans de nommer ce burger-là. Ben, comment est-ce que tu nommerais ça? Le mashed potato. Ben, j'avoue, le... Hey, non, mais pour vrai, là, appelle ça le Big Mashed. Le Big Mashed. Non, mais pour vrai, là. J'avoue. Je pense que j'ai trouvé un gagnant. Faudrait que tu envoies ton idée. Combien est-ce que je gagne, tu sais? Je sais pas. Hein? Donc, c'est, ça inclut donc des patates pilées, comme on a dit, des tranches de bacon entre le sommet et le dessous. Non, pardon, entre le sommet et le milieu. Et une boulette de bœuf, de la sauce aux oignons grillés et du fromage cheddar entre le milieu et le bas, le talon. Tu pourrais gagner 12 500 $ si tu gagnes. Ben voyons donc, 12 500 $, c'est génial ça. Parce que ça a été calculé selon le prix du burger pendant 10 ans. À chaque jour. À chaque jour. Wow. Il va coûter 3,42 $ américains environ, 390 yens, ce futur burger que moi j'appellerai dorénavant le Big Mashed. Le voilà. Big Mashed. Ensuite... on a parlé il y a quelques semaines, ou récemment en tout cas, des flavor swaps chez Frito-Lay. Donc un peu comme ici, on a les saveurs. Faites-nous une saveur au Canada. Bon, oui. On avait, là c'est wasabi gingembre et t'as aussi macaroni au fromage au bacon. Mm-hmm. Chose de genre, qui sont les deux saveurs en ce moment, qui sont pas des saveurs créées par le grand public, mais bien par la compagnie, par Lay's. Aux États-Unis, on a à la place, comme on avait dit, des flavor swaps. Donc t'as différentes saveurs qui sont... qui s'affrontent l'une envers l'autre. Mm-hmm. Et à la fin, il va y avoir un gagnant qui va rester sur le marché. C'est un concept différent. J'apprécie la variété de leur concept chez Lay's. Donc, maintenant, on peut chasser ces saveurs-là en achetant les deux ensemble dans un emballage avec les deux sacs. OK. Donc, ben, pas les deux, en fait. C'est des petits sacs, les petits sacs collation. Et on a toutes les saveurs dans un seul sac avec une corde. Mm. C'est vraiment très, très cool. Donc, Frito-Lay, c'est le Flavor Swap Mix. Il y a 20 sacs singles, donc des sacs célibataires. Deux de chaque saveur. Donc, on se rappelle des saveurs. Il y avait Flamin' Hot versus... Hey boy, que c'était écrit petit, ça. Est-ce qu'il y a d'écrit en dessous? J'ai trop de la misère. OK, oui, je l'ai. Donc, t'as cuit à la marmite sel et poivre versus huile d'olive et herbe. Oh, huile d'olive et herbe, ça ouais. Doit être bon. T'as style classique cheddar et crème sure versus gouda fumé et échalote. Oh! C'est ça. Et t'as aussi... Flamin' Hot versus classique Fiery Roasted Habanero, donc au piment fort. T'as barbecue miel versus barbecue style coréen. OK. Donc tout ça ensemble, il y en a deux qui s'affrontent ensemble. T'as le match-up 1, le match-up 2, le match-up 3, le match-up 4. Un reste dans chaque catégorie et vous avez les 20 sacs aux États-Unis disponibles dans un sac d'épicerie si on veut. C'est drôle quand même qu'ils mettent des Lay's classiques dans tout ça. Oui, t'as 4 sacs de classiques. En effet, j'avais pas remarqué, t'as bien raison. T'as 2 de chaque et 4 du classique. Qui vient un petit peu peut-être tempérer. Ah, peut-être. C'est un petit peu comme sortir du café entre deux saveurs de deux senteurs de thé. C'est ça, elle va te goûter toutes les autres. Donc, un sac de 20. C'est ça, un sac de sacs pour 7$. Voilà, ouais. Aux États-Unis. L'article est ben trop long pour rien. Pour 7$, c'est pas super. Pas super, pardon. Ensuite, Papa John's garantit la qualité de sa pizza, sinon ils vont la remplacer. Papa John's est une chaîne quand même assez populaire aux États-Unis. Si votre pizza n'a pas été faite correctement, ils vont la remplacer gratuitement. Ça veut pas dire qu'ils vont la remplacer si vous aimez pas le goût de la pizza, mais ils vont la remplacer si elle a pas été fabriquée selon les standards. Donc ça pourrait être la température, ça pourrait être qu'elle est sous-cuite ou sur-cuite, qu'il manque de garniture dessus, qu'ils ont les mauvaises garnitures que vous avez commandées, ou encore une pizza endommagée, par exemple si la boîte a été virée sur le côté et que les garnitures sont toutes d'un bord, etc., etc. Donc vous pouvez réclamer sur le site de Papa John's. Ça dit que si vous avez mangé plus que 2 pointes de pizza, ils ne vont pas la remplacer. Bon. Là, je suis très d'accord avec eux. Et selon le petit caractère, la garantie s'applique seulement à la qualité de la pizza, mais pas les à côté, donc pas les boissons, pas les desserts. Et pour promouvoir la garantie, la nouvelle garantie, Papa John's offre un rabais en ligne avec une pizza jusqu'à 5 garnitures pour 10$ jusqu'au 13 mars, évidemment, aux États-Unis. C'est génial. Tout aux États-Unis, les choses cool qui oui, se passent. Oui, j'irai au Japon en première place et ensuite. Oui, c'est aussi. Vrai. Ensuite, on va rester aux États-Unis avec, pour un temps limité, IW qui offre les paniers style pub. On appelle ça Pub Battered Cod Fries and Slaw. C'est comme comme au Gambrinus quand tu vas te prendre un super fish and chip. Mm-hmm. C'est super sophistiqué avec des belles frites, avec du beau poulet, du beau poisson pané et une petite salade de choux. C'est la même chose chez IW. Hey, hein? Imagine. Donc, tu as le choix du poisson. Premium Pop Battered Cod ou encore 21 morceaux de crevettes croustillantes. Mm. Tout ça servi avec frites et petite salade de choux. Crevettes, ça doit être bon. C'est génial. Et ensuite, ça vient avec une sauce... comment t'appelles ça? La sauce, là... Voyons, à relish, là. Oui, pas tartare. Tartare! Voilà. Sauce tartare avec les filets de poisson ou sinon une petite sauce piquante pour les ailes. Pas ouais. Les ailes, les crevettes. Ensuite, allons-y avec... la Take 5, Colin, ça pour vrai, là, est-ce que tu te rappelles dans les années 90, début 2000, il y avait la Take 5? Écoute, j'ai regardé l'intérieur de ça, puis je trouvais que ça ressemblait à une O. Henry. Mais pas vraiment, parce que c'est plus au bretzel et mais beurre non, de beurre à la Chine. Mais non, je me souviens pas. Il y avait ça au Canada, au Québec, et je tripais bien raide sur la Take 5. Je l'achetais tout le temps, tout le temps. OK. Et maintenant, ben, elle est de retour, pour un, en tout cas, pour un temps limité, j'imagine, et pour l'instant aux États-Unis. Donc, Take 5, on va regarder la petite pub. Tiens, pourquoi pas. Question de reprendre mon souffle, 2 secondes. Une petite 30 secondes. Ah! C'est la pub des années 90. Donc, beurre d'arachide, bretzel, arachide, chocolat, évidemment, salé, sucré. Tout va ensemble, va vous renverser. Take 5, c'est mieux que 4 affaires, j'imagine. Take 5, comme d'en prenez une pause de 5 minutes. Take 5 de Hershey's. Caramel, beurre d'arachide, bretzel, arachide et chocolat. Take 5. Si c'est pas la pub des années 90, je ne sais pas si c'est la... Peut-être que c'est la pub récente en hommage à la pub ouais, des années 90. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils l'ont refait. Non, ça date de 2006, celle-là, mais donc probablement que c'est l'ancienne, j'imagine. Mais bon, moi, ça me rappelle des souvenirs quand même parce que j'adorais donc cette super barre de chocolat et j'ai trop hâte. Si elle revient, je me lance dessus. Comme un petit fou furieux. Ensuite, écoutons, je dois mettre des articles en double aujourd'hui. On a déjà fait ça, on a déjà fait ça, on a déjà fait ça. Ah oui, Sunmade qui va lancer des mélanges, tu sais, des raisins secs Sunmade. Oui. Mais version chocolat-noisette, yogourt aussi. Donc, des mélanges, tout simple, c'est des raisins recouverts de yogourt à saveur de noisette et de chocolat. Miam. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sinon, il y a aussi Project 7 qui est une gomme gourmet pour fabriquer votre propre s'mores. Hein? Ça s'appelle Build a Flavor S'mores, c'est par la compagnie Project 7. Il y a 12 morceaux de gomme. Et donc, on va mélanger, en fait, c'est ça, c'est soit... Oui, OK. Donc, les gommes, si je comprends bien, là, les gommes sont à saveur de guimauve. OK. Attends un peu. C'est marqué s'mores. Attends un peu. 12 morceaux de gomme au guimauve grillé. OK, ça, ça va. T'as 12 biscuits choco Graham. Et t'as... C'est quoi le troisième? Vois-tu le troisième, toi? Ça doit être le chocolat. Mais comment est-ce que tu fais pour faire une gomme avec ça? C'est-tu ton biscuit va se manger puis la gomme va rester après puis tu vas mâchouiller ta gomme? Je sais pas, hein? Ou peut-être que tout ça mis ensemble fait une gomme? C'est vraiment pas clair, hein? Parce que c'est un 3 en 1. C'est marqué « Enjoy alone or together to create a new flavor ». Donc moi, je pense que c'est des morceaux de chocolat, des morceaux de biscuits. Tu les manges et après ça, tu manges ta guimauve. Peut-être. Et ta guimauve reste une gomme parce que c'est marqué « Gomme pieces » en dessous d'un morceau de guimauve. Elle reste... Une gomme à la guimauve, pas une gomme au s'mores. C'est ça. Ça reste vraiment confus. C'est très confus. C'était chez Target aux États-Unis. Je le comprends pas trop celui-là. Ensuite, j'ai Domino's en Chine. On a une nouvelle pizza avec des morceaux de bâtonnets de poisson en forme de poisson. Bon. Oui, Domino's a garni sa pizza juste à temps pour le nouvel an chinois. Tu sais. Donc la pizza, c'est un cercle festif de pâtes en forme de poisson et de bâtonnets de poisson frits qui couvrent la surface de la pizza. Donc, ils ont l'air de faire surface de, sur leur, dans l'aquarium, si on veut. Hein? Il y a aussi un trio de pepperoni dans le milieu. Et puis, la pizza a des poivrons verts, des lardons français, du pepperoni et des tomates cerises. Les poissons sont considérés chanceux pour le nouvel an chinois parce que leur écaille ressemble à de l'argent. Ah, disent-ils. OK. C'est pour ça la tradition du poisson. Il y a aussi ce qu'on appelle la Shrimp and Crab Deluxe Pizza, pizza de luxe aux crevettes et aux crabes, offerte comme pizza saisonnière avec donc de la panure et des croquettes de crevettes. Voilà, quand même. Intéressant. on retourne chez McDonald's qui sert une version frite inspirée par les États-Unis. Donc, c'est un cheese patty sandwich en France. Donc, c'est un sandwich avec du fromage frit à l'intérieur à la place de la boulette de bœuf ou de poulet. Ça fait partie d'un menu à l'américaine qu'on appelle l'American Winter Menu. C'est vraiment comme ça qu'ils appellent ça en France, American Winter. Évidemment, parce que les Français parlent en anglais tout le temps. Donc, le bread and cheese sandwich, quelque chose qu'on ne trouverait pas ailleurs. À part la petite plaquette de fromage, le sandwich a aussi de la laitue, des tomates et de la sauce au fromage. Et puis, on peut aussi le trouver en wrap chez McDonald's toujours. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est à peu près ça. Il y a aussi les Winter Fries, qui sont des frites rectangulaires, crinkle cut, plates. C'est une forme qu'on ne voit pas très très souvent aux États-Unis, mais des frites plates, ondulées, on dirait des chips, ruffles style. J'aimerais vraiment beaucoup manger des frites comme ça chez McDonald's. Ça a l'air super bon. C'est vrai. Et super salé. Ensuite, Il nous en reste deux derniers, on va les finir, pourquoi ben pas. Oui, pourquoi j'a, pas. J'en avais préparé 25, puis on va avoir fait le tour des 25. Nestlé perd en cours pour essayer de mettre sous marque de commerce la forme de la Kit Kat au Royaume-Uni. Ben ouais. Ouais, donc si vous cherchez du chocolat, vous allez certainement tomber sur de la Kit Kat à un moment donné. Mais peut-être que ce ne sera pas une Kit Kat, parce qu'il y a d'autres compagnies qui ont imité la forme de la Kit Kat. Et maintenant, ben, au Royaume-Uni, Nestlé n'a pas eu le droit de mettre une marque de commerce sur cette forme de quatre doigts de barre Kit Kat. Nestlé a essayé d'enregistrer la marque de commerce pour la première fois en 2010, mais son rival Cadbury UK Limited est arrivé pour s'y opposer. Selon l'Associated Press, Nestlé disait que la forme iconique avait été utilisée en Angleterre pendant plus de 80 ans et que les clients, les consommateurs la connaissaient très très bien. D'autres cours ont refusé le cas, d'entendre le cas, donc dismissed, qu'on appelle, dont la European Court of Justice, la Cour de justice européenne. La Cour disait que la compagnie devait montrer que le public se fiait complètement sur la forme de la Kit Kat pour la manger, ben oui, et pour l'identifier. Donc c'était difficile de prouver que c'était une forme qui était, dans le fond, qui avait le droit d'avoir un droit d'auteur là-dessus. La plus haute cour a retenu la décision des cours précédentes, des cours plus faibles, donc disant que la forme de la Kit Kat n'avait pas un caractère distinct assez pour satisfaire les besoins d'une marque de commerce. Nestlé dit être déçu de la décision, mais prévoit aller en appel. Il croit que la forme mérite d'être protégée en tant que marque de commerce au Royaume-Uni. Ils sont déçus que la cour n'est pas d'accord avec eux. C'est bien sûr qu'ils sont tristes. C'est sûr. Il aurait fait beaucoup d'argent en poursuivant toutes les autres compagnies qui auraient été forcées de changer de forme. Ensuite, Chick-fil-A. Ah, ça, c'est drôle. Le Mums Valley chez Chick-fil-A, c'est un restaurant de poulet aux États-Unis qui essaie d'enlever le stress du fait qu'on mange avec nos enfants des fois. Donc, un simple voyage dans un restaurant de fast-food peut créer beaucoup d'anxiété pour les parents. Surtout quand tu ajoutes la nourriture avec plein de gras, de sucre et de clairement. Sel. Ça doit exciter pas mal les enfants. Donc, pour essayer de calmer le chaos, Chick-fil-A teste un nouveau service qu'on appelle Mums Valley. Donc, le service, selon Business Insiders, permet aux parents avec des enfants de commander leur repas via le service au volant. Et ensuite d'entrer à l'intérieur avec leurs enfants pour aller manger. Donc une fois que la commande est placée et payée au service à l'auto, les employés de Chick-fil-A vont préparer la table et amener la commande directement à la table pour que quand t'arrives, ce soit déjà prêt. Tu comprends? Mm-hmm. Donc le vice-président de Chick-fil-A, David Farmer. Ok. Donc c'est le vice-président de la stratégie menu et du développement, a dit à Business Insider que l'idée pour ce service-là est arrivée quand des employés ont remarqué que c'était très très compliqué de commander pour les familles. Pour vrai, on est allé chez Saint-Hubert avec ma sœur et ses deux filles la semaine passée ou il y a deux semaines. Ça a pris probablement une heure et demie commander. Pour vrai? C'est parce que tout le monde doit entretenir les enfants sautent partout, ça descend de la table, ça se gigote, ça veut aller aux toilettes, ça veut dessiner, ça veut prendre un verre de lait, ça veut prendre un verre d'eau, ça veut... c'est difficile de commander. Donc je trouve que ce principe-là pourrait vraiment aider les parents. Ça va être publicisé sur les pancartes de service au volant des restaurants Chick-fil-A participants. Donc ça va essayer d'enlever le stress des familles et rendre l'expérience un petit peu plus relaxante pour tout le monde en même temps, parce que c'est pas juste les parents qui commandent, c'est les gens autour, des tables aux alentours qui sont aussi dérangés quand les enfants courent partout et qu'on a de la difficulté à commander. Une fois que c'est commandé puis que les enfants mangent, habituellement ça va bien. C'est l'avant et l'après qui sont difficiles dans les restaurants. Ouais. Voilà, c'est tout pour une grosse pointe d'adresse. Les liens sont sur assemblagerequis.com. On prend une pause et on retourne pour notre dernier bloc. Il va nous rester une vingtaine de minutes environ. Ben, on verra bien ce qu'on va faire. Oh. Surprise! Aujourd'hui. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. Toujours à Assemblage Reiki, on se jeudi 25 février 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, dans quelques instants, on va se faire une autre portion de... ça existe, ça me doit répondre là. Oui. Ça me tente de découler quelques gadgets parce que j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup trop accumulé depuis les derniers mois. Tu croirais même pas ça de voir ça. J'en doute même pas. Tu regardes ça, tu fais comme je le crois pas. Mm-hmm. Ah, et pendant qu'on écoute une chanson, moi je mange un autre Coco Bites. Ah ouais? Ouais, je me gâte. Ok. On écoute La Brume de Renard Blanc tout de suite à Assemblage Reiki. Renard Blanc avec La Brume, Assemblage Requis. J'ai un commentaire d'une téléspectatrice qui me demande où est-ce que j'ai acheté les Coco Bites de tantôt. Ah oui? C'est chez Métro. La plupart des choses que j'achète, c'est chez Métro. Des fois, quelques trucs chez Provigo, ça m'arrive quand j'ai envie. Des fois, je pense que cela, c'est chez Provigo quand j'y pense. Parce qu'une fois, de temps en temps, je vais une fois chez Provigo, j'achète plein d'affaires nouvelles que pas chez Métro. Peut-être. Puis je fais mon épicerie normale chez Métro. Parce que c'est vrai que Provigo sont du genre à avoir ce genre d'affaires-là. Ouais, donc ouais, bref, c'est Provigo. Bref, on était rendu à une deuxième partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, la chronique des gadgets qu'on achète sur Internet. Commençons avec Switchboard, qui est un rack à manteau magique avec 25 crochets ou encore aucun crochet du tout. Ah, OK. Là, tu vas me dire, je ne comprends pas. Ouais. Dis-moi en plus. C'est très simple. Le Switchboard est un rack à manteau avec un design assez génial. Ça mesure 30 pouces de long. C'est monté sur le mur. C'est fait d'un bois beechwood. Avec 25 crochets individuels cachés. Donc, quand les crochets ne sont pas utilisés, le rack ressemble à un morceau d'art sur le mur et on peut retourner les cases pour montrer les crochets. C'est bien, par exemple. Une rotation de tout. Donc, le Switchboard va être envoyé le 1er mars, 65$. Présentement, ils sont à 15% de rabais. Je crois que c'est encore le cas. Si on va sur ilovehandles.com, c'est le site, mais le lien est sur assemblagerequis.com, comme toujours. Ensuite, on parle souvent d'étuis à téléphone. Ici, c'est un furry iPhone case. Ouh! Tu trouvais que ton iPhone n'était pas assez poilu, t'aimes la fausse fourrure. Ouais, c'est doux. Ouais, c'est doux. Donc, une petite touche de classe et ça protège votre téléphone en couvrant ça d'un furry iPhone case. Très, très à la mode. Évidemment, fausse fourrure, là, je pense que ça vaut la peine d'être mentionné plusieurs fois. Qui protège et est évidemment super doux au toucher. Ça coûte seulement 7$ sur Amazon.com. C'est disponible pour plusieurs iPhones, dont le 6, 6 Plus, 5, 5S, les Samsung Galaxy, etc. Il y en a plusieurs. Ensuite, pour quand même pas cher. Hey, ça se lave. Comment, excuse? Tu peux le laver. Wow, comme un vrai faux animal. Tu peux le peigner. Hein? Je suis sûr. Est-ce que tu peux le teindre? Ah, je sais pas si tu peux le teindre, mais la fille, elle montre comment le laver. Ah, ben cool. Ensuite, des fois dans ta voiture, peut-être, t'aimerais transporter plus que des boissons, t'aimerais transporter des collations. Ah, oui. Ou peut-être que t'aimerais pouvoir mettre dans une armoire tes grains de popcorn et pouvoir en même temps mesurer tes portions. Donc, on mange des céréales des fois, des trucs qui sont secs. Oui. Hein? Donc, on va mettre ça des fois dans des contenants, dans des sexy plugs, dans des plats Tupperware, peu importe. Ici, c'est les contenants qui sont fabriqués sans BPA et ça va sceller l'air à l'extérieur du pot. Okay. C'est pas 100% étanche, mais quand même. Et quand on est prêt à manger, on va tourner un peu le capuchon et on va brasser pour te donner la bonne quantité dans le couvercle. Le couvercle d'environ une tasse et demie. Pour les plus petites portions, il y a aussi des gradations. Il y a des lignes dans le capuchon pour verser un quart ou un huitième de tasse. On lève le couvercle et on verse le contenu. Donc, dans le fond, on brasse le truc, ça emmagasine les grains de popcorn, par exemple, dans le bouchon. Et ensuite, on ouvre le couvercle et on verse juste le bouchon. Ouais. C'est quand même bien fait. C'est vraiment bien fait. C'est donc les contenants made pour le vrac, entre autres. 44,95$ pour l'ensemble de 4, 11,95$ individuellement sur made2simply.com ou encore grommet.com. Quand même une assez bonne idée. Ensuite, on espère remplacer les claviers avec des gestes avec le gadget qui s'appelle justement Jest. Les claviers, les souris, c'est tellement des choses du passé. Ah, hein? Oh, tellement. Donc, si à la place, vous remplacez ça par votre gadget à la main, vous pourrez utiliser vos mains comme clavier en tant que tel. Ça utilise le Bluetooth Low Energy pour se connecter à vos appareils. Donc, c'est compatible avec iOS, Android, téléphone intelligent et tablette. Il y a 15 motion sensors dans chaque appareil pour vous fournir un tracking précis. Ça peut fonctionner jusqu'à 150 pieds de distance de l'ordinateur que tu es en train de contrôler. Ça a un port micro USB pour être rechargé. Une charge devrait durer pendant 8 heures. Le produit a reçu de l'argent sur Kickstarter. Ils se sont rendus... Pardon. Ils ont reçu son argent via Kickstarter. Ils sont arrivés à $12 de se rendre à $200,000 alors que son but était de $100,000. Donc, ils ont doublé presque leur mise. Ça devrait être envoyé au mois de novembre pour $199. Alors, on peut précommander sur le site de la compagnie pour avoir 10% de rabais. Mais en gros, ça ressemble un peu comme un bracelet. Mm-hmm. Sauf qu'à la place d'avoir le bracelet sur ton poignet, tu l'as entre le pouce et l'index sur l'horizontale de ta main. Donc, okay. Un peu au milieu de ta paume, si on veut, mais sur le dessus de ta main. Et puis, il y a des sensors à chacun de tes doigts qui vont être attachés par comme des bagues, mais sur le bout de ton doigt. Et t'en as un sur chaque main, tu vas pouvoir taper sur un clavier, mais avec des gestes. N'est-ce pas génial? Ensuite, des fois, on parle de lits. On parle de lits super chers, des lits en acier inoxydable, des lits avec un trou pour ton chien, peu importe. Ici, c'est un lit cheap qui te coûte 189$, une base de lit. Là. OK. 189$. C'est beaucoup plus facile aussi de déménager avec cette plateforme de lit en carton. Ça va pas comme si c'est foiré. Ben non, parce que le carton est fait d'une certaine forme, plié d'une certaine forme pour que ça ne justement plie pas. OK. On a déjà vu des chaises en carton, on a déjà vu des bureaux en carton, mais un lit, j'aurais jamais pensé. 100% recyclable, c'est fait pour soutenir jusqu'à 1000 livres. D'après moi, un couple ou un couple ou même des polyamoureux, 3-4 personnes, ça peut facilement entrer. Et ça demande aucun outil, aucun adhésif pour l'assemblage, seulement un petit peu de talent en origami. Ouais, hein, parce que je les regarde plier dans la vidéo, là. Oh boy, mais quand même, là, c'est vraiment pratique. 189$ pour une base de lit, à part de l'usager, j'ai rarement vu ça. C'est vrai. Voilà. Ensuite, c'est le Bedigami en passant, le nom du produit. Ensuite, on reste dans le carton avec un livre qui est aussi une caméra. Pardon? Ah? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ah, OK. Oui, je viens de voir ce qui s'est passé. Quelqu'un m'a dit l'autre fois qu'il avait tapé la table puis que ça avait arrêté le son. Ah, ben oui. T'as-tu vu ça? C'est la carte son. Je pense que le fil doit être lousse. Sûrement. Bref, sur ce behind the scenes, je vais essayer de moins tirer sur le fil, là. Donc, on a déjà vu plusieurs livres qui vous disent comment utiliser votre caméra, des livres d'instruction. Ici, par contre, c'est un livre qui devient une caméra. Ça s'appelle « This book is a camera » qui fonctionne comme caméra par elle-même. C'est un design avec une caméra avec ce qu'on appelle, c'est une caméra, une pinhole camera. Fonctionne juste en ouvrant la couverture et en ouvrant quelques onglets sur le livre. Il y a un sac à l'épreuve de la lumière et 5 morceaux de papier photo du film et des instructions pour le développement de vos photos. Donc le processus complet ou encore vous pouvez envoyer ça à la compagnie pour qu'ils le fassent eux-mêmes. C'est inclus dans la boîte, les instructions pour le renvoyer à eux. Donc les photos que ça prend ne sont pas si belles que ça, mais c'est quand même de l'art. Ça coûte 29$ chez Kelly Anderson. un.ca/thisbookisacamera. Je trouve ça cool. Ça fait vintage, tout en étant très très technologique. En effet. C'est cool. En fait, c'est même le contraire de technologique, mais bon. Quelqu'un qui est paresseux ne voudrait pas aller promener son chien. Il voudrait à la place laisser son chien dans la cour avant, cour arrière, avec un self-tugging dog toy, un jouet pour chien qui se tire lui-même dessus. Tu sais comment les chiens aiment tirer sur leur jouet? Oui. Sur leur corde, sur leur torchon, peu importe. Donc, pour garder l'énergie de votre chien et le divertir pendant des heures, vous allez installer ce self-tugging dog toy dans votre cour. Et une fois fixé au sol, vous attachez une corde ce poteau de 55 pouces et vous allez regarder votre chien tirer dessus. Donc le poteau est dans le sol et la corde est attachée sur le dessus avec un genre d'élastique si on veut. Et le chien peut tirer 60$, 57$ pour ce gadget. Vrai. Qui est pas tout à fait un gadget, mais quand même. Ensuite, Ouais, c'est vraiment aucunement un gadget, il n'y a aucune puce dedans, mais non, bon, c'est pas non plus ça existe. C'est un jouet. C'est ça, c'est pas ça existe électroniquement, mais ça devrait pas. Non, c'est ça. Ça existe en général. L'hiver, Tania, tu trouves que t'as trop froid avec ton petit manteau de printemps? Ouais. T'as pas acheté un gros manteau super chaud, mettons. Ouais, mettons. Mettons, ben tu pourrais t'acheter ce Universal Coat Heater. Rester au chaud sans avoir à porter plusieurs couches, couche par-dessus couche, avec ce très universel Coat Heater. C'est opéré par pile. Ça entre discrètement à l'intérieur de n'importe quel manteau et c'est fait pour avoir 4 paramètres de chauffage pour pouvoir toujours rester à la bonne température. Donc ça ressemble un peu à des... je dirais que ça me fait penser à des écouteurs, à un casque pour protéger les oreilles. Oui. Sauf qu'à la place, ça protège tout le tour de votre corps et c'est accroché à votre manteau. Et il y a des chauffages après, genre des trucs chauffants à l'intérieur de ça. C'est donc du tissu doux. 3 heat pads. Construction durable, matériaux minces, chargeur de batterie, kit d'installation par Velcro et une batterie Smart Lithium Ion. Donc tout inclus pour 65$ sur Indiegogo en ce moment. Voilà. Crime, il nous reste plus de temps que je pensais. Ouais. Colin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a je sais pas. Oui, hein? C'est un bracelet. Ça me fait rire quand il nous reste du temps parce que d'habitude, nous jamais. Est-ce que tu n'es pas venu aujourd'hui? Non, c'est juste nous autres. Ah! Fait que tu sais, je sais pas. Ouais, bref, on s'en plaindra pas. Hein? Non. À partir de la semaine prochaine, d'ailleurs, dans 2 semaines, on va avoir quelqu'un le jeudi, donc. Oui. Bref, on en reparlera une autre fois, mais on a des bracelets maintenant. On a parlé de l'hiver il y a 2 secondes, parlons de l'été. Quand les moustiques vont sortir, on veut le Mosquito Repellent Wristband. Camouflez-vous en traversant la J'espère forêt. J'espère que ça fonctionne. Oui, à supposer, en utilisant le Mosquito Repellent Wristband, c'est un petit, une petite bande de caoutchouc, bracelet, qui va sur votre poignet et peut vous donner jusqu'à 120 heures de soulagement des moustiques sans avoir l'impression d'être collant comme avec un spray habituellement. Ça coûte 20$ sur Amazon. Est-ce que ça pue comme le chasse moustique? Ça c'est dit pas. La question. Ça dit pas, mais en même temps, je me demande s'ils l'écriraient dans leur, dans leur résumé. Ouais, ça pue. C'est vrai. Ça dit, bon, les commentaires des clients, des consommateurs, ça ne m'a pas rendu invisible aux moustiques. Ah. Ne fonctionne pas pour nous et parfait seulement pour la cour arrière. Absolument inutile. J'ai regardé un moustique atterrir sur moi. Ça va mal. N'achetez pas ce produit. Ne gaspillez pas votre argent. Wow, ça va bien, hein? Ça, ouais, c'est, hein? Mais en même temps, c'est drôle parce que en tout, ça donne 4 sur 5 étoiles, OK? OK. Avec 1203 critiques, 4 étoiles. Il y a 5... il y a 61% de 5 étoiles et seulement 1%, 7% de 1 étoile. Mais quand tu regardes les top customer reviews, ouais, c'est que des 1 et 2 étoiles. Fait que d'après moi, ça doit être parce que tu peux marquer en dessous de chaque critique, tu peux cocher oui, est-ce que cette critique vous a aidé, oui ou non. Si les gens disent oui, ça va faire monter les critiques qui sont moins bonnes. Sûrement. Donc, je ne sais pas. C'est un pensez-y bien pour le Invisiband. C'est un emballage de 5 en passant pour le prix que j'ai dit tantôt, environ 20$. Ensuite, on va à la cuisine avec des verres qui ont l'air d'être des verres normaux en vitre. Oui. Sauf qu'en fait, ils sont en silicone. Ah. Hein? On peut les écrapouter. Ben oui. Les Snow Peak Silicone Cups. Ces verres-là ressemblent à des verres complètement normaux, mais ils sont faits en fait de très flexibles et transparents et imbrisables silicone. Et c'est fait pour, évidemment, supporter à peu près n'importe quelle aventure en camping, etc., etc. Et, mais c'est pas un peu... tu sais, comme t'as pas plus de dégâts qui va arriver comme ça? C'est mou? Oui. Mais en même temps, ça dit c'est flexible, mais ça veut pas dire que c'est mou non plus. Ça peut être quand même dur, mais que tu peux peser dessus. C'est peut-être du silicone épais quand même. C'est disponible en version verre, en version coupe de vin, mais sans la tige. Et un genre de verre à whisky ou autre alcool. Tu vois dans la photo sur assemblagehockey.com que la paroi a l'air quand même assez épaisse. Ouais, c'est vrai. Quand même. J'y fais confiance. Ouais, moi aussi. Ensuite, si t'es fanatique d'Apple, mais que t'as vraiment aucunement l'argent pour t'acheter un Mac Pro. Ça, c'est, ouais, le, ça, ouais, c'est le genre de ça, gros cendrier, genre, là, ouais, tu sais. Espèce de gros cylindre. C'est bon. On en veut un. Mais on n'a pas l'argent. Mm. Donc, c'est le Dune Case. C'est une tour à PC. Mais... bref, c'est la même apparence, même qu'il y a plus de couleurs, en fait. Le Dune Case, 260 mm de haut par 215 mm de diamètre et ça pèse 2,6 kg. C'est plus petit qu'une tour ATX normale et ça peut accepter les mini ITX, ça c'est les cartes mères mini ITX, les standards ATX RAM et CPU. OK. Il y a aussi la longueur maximale de votre GPU, donc la carte graphique est 185 mm. Ça a 4 ports USB 3.0, un port écouteur, un port microphone, 2 ports HDMI, un port Ethernet, 2 socles à disque dur de 2.5 pouces. Ça, c'est les petits disques durs de portable, je crois. Et ça inclut une fan de 140 mm. La fan est au sommet de la tour, avec okay, des trous en dessous pour permettre à l'air de passer verticalement sur les composants de votre PC. C'est un projet sur Kickstarter qui va se terminer le 16 mars prochain. On demande 159$ pour avoir cette merveilleuse tour, soit en noir comme le Mac Pro ou encore en doré, mm-hmm, avec une date estimée d'envoi de juillet 2016. Le public général pourrait se l'acheter en distribution plus large à partir de septembre 2016 environ. Mais c'est pareil, c'est un genre d'acier inoxydable. Là, ça y ressemble. C'est super beau pour vrai. Ensuite... la réalité virtuelle est bien à la mode en ce moment, autant que les objets connectés. La réalité virtuelle, le casque que tu te mets sur la tête et tu vois des choses. Mm-hmm. Donc là, on combine ça avec le ViewMaster, tu sais, les diaporamas diapositives avec la petite gâchette. Clic, clic, clic, clic, clic, et tu passes une autre photo. Donc l'idée de mettre des disques circulaires et de les changer pour d'autres images stéréoscopiques, ça c'est un petit peu daté. Donc on a le ViewMaster VR Headset. Qui amène la marque dans le futur, donc la marque ViewMaster, dans le futur, en utilisant votre téléphone comme écran. Ça garde une connexion vers le passé avec des cartes et un levier sur le côté. Tout ça fonctionne avec une application Companion pour afficher des vues à 360 degrés de différents endroits touristiques. C'est compatible avec le Google Cardboard. Ça fonctionne aussi avec une tonne d'autres applications de réalité virtuelle. Ça fonctionne avec la plupart des téléphones cellulaires et c'est beaucoup plus acceptable que de se mettre une boîte de carton autour de la face, selon c'est certains. C'est sûr! Moi, je trouve ça bien correct, le Google Cardboard. Pour vrai, je paierais pas vraiment pour un morceau de plastique, tant qu'à faire. Parce que je vais l'utiliser 2-3 fois, puis je vais me tanner. Mais celui-là, 18$. Pour la marque Viewmaster, je trouve que ça pourrait être vraiment cool. Et surtout que, ben, tu peux avoir les diaporamas de Viewmaster en tant que tel. Ah oui. Je l'aurais fait un petit peu moins science-fiction, le casque. Je trouve qu'il est trop vitré, le côté est trop... il est pas assez mât. C'est trop... je sais pas si c'est un render ou si c'est le vrai produit, mais j'aurais mis plus plastique mât, un peu comme les vrais Viewmaster, en vrai plastique, tu sais, rugueux un peu. Mm-hmm. Je trouve ça plus beau un peu comme plastique que du shiny comme ça. J'avoue. Mais c'est une question de goût. Voilà, c'est tout pour cette chronique de Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. On arrive juste à temps pour la fin d'Assemblage requis aussi, par le fait même. On remercie absolument personne aujourd'hui. Non, juste toi et moi. C'est une des dernières fois cette année qu'on va pouvoir remercier personne parce qu'à partir de dans deux semaines, donc le 10 mars, on va retrouver enfin Véronique Mir qui va nous faire une série de 4 chroniques de son Véronictionnaire. Ça commence le 10 mars. Et à partir du mercredi 9 mars, on va aussi retrouver Alexandrine Pichessire. Donc les deux sont de retour. C'est confirmé depuis hier soir et j'ai très hâte de les retrouver. Mm-hmm. Voilà. Sinon, ben merci à toi, Tania Baudin. Ben merci à toi, Mathieu Plante. Lundi à l'émission, ça va être notre célèbre lundi une semaine sur deux avec Marie-Christine Perra pour sa chronique d'art visuel. Il y a aussi Samuel Girard avec sa chronique sur l'actualité québécoise, canadienne et internationale. Justement, parlant de Samuel, il s'en vient dans quelques minutes à Génie en liberté à partir de 9h30. On va transitionner avec lui de façon très, très subtile dans quelques instants. Ensuite, à 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, à l'émission de Lucas Hubert et Sébastien Guertin, la sortie de secours est à votre gauche. À 14h, la rediffusion du Mathieu Plante Show. À 17h, Palmarès du monde avec David Ferron. Et finalement, à 19h, Denis Baudin animera Très blues, assez fou. C'est l'horaire d'aujourd'hui, cif.ca. Pour la programmation complète, assemblagerequis.com. Pour les notes de l'émission, les balados diffusion. J'ai assez parlé. Merci, Tania. Merci à toi. Est-ce qu'on se voit lundi? On devrait se voir lundi. À 6h35. Ouais, mettons. Après prérequis, mettons. C'est ça. Puis peut-être une chanson, dépendant de la température. Sûrement. À lundi. Et bye. Bonne fin de semaine. Bye, oui.